just sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Et qu'elles passent leur temps à squatter la salle de bain, mais faut être honnête, on passe notre temps à leur courir après, et quand elles sont pas là, eh ben on est bon à rien et on fait que de la merde. Alors aujourd'hui, on célèbre toutes les filles. Les séductrices, les coincées, les bourgeoises, les timides, les princesses, les bimbos, les michetots, les belles, les moches, les petites, les grandes, les milfs, les ménagères, les garçons manqués, et même celles qui portent des ballerines. Bref, j'ai qu'une chose à dire. Cœur sur vous, les filles. Ce soir, c'est votre émission. Vous êtes prêts? Non plus. Ce soir, nous avons décidé de fêter, de célébrer surtout la journée mondiale des filles. Les filles. Alors, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu as encore que cette journée? Il y a la journée de la femme, maintenant il y a la journée des filles, bientôt il y aura la journée de la demoiselle, après il y aura la journée de pas les hommes. La journée des milfs. Non, c'est un truc assez sérieux. Alors, ça veut dire qu'on a décidé, nous, évidemment, d'en faire du divertissement. Mais quand même, c'est important parce que, entre autres, aujourd'hui, le thème de la journée internationale de la fille, c'est le terme, hein, c'est pas de la femme. Ouais. C'est la journée internationale de la fille. Aujourd'hui, 11 octobre, c'est en gros pour qu'il y ait des progrès pour les filles dans le monde entier et notamment une sensibilisation au fait qu'il y ait encore des mariages forcés chez des jeunes femmes à travers le monde, évidemment, pas en France. Quoique, je pense que des fois, il y a des filles qui choisissent pas forcément. Oui, bien sûr. C'est ça ou c'est retour au pays, donc il y a des mariages encore arrangés. Mais c'est de la gnognotte par rapport à certains endroits du monde. Est-ce que vous saviez qu'une fille sur 3 se marie avant d'avoir l'âge de 18 ans dans le monde ? Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire qu'on leur, on les sort de l'école, elles n'ont pas le droit de faire de métier, elles vont devoir s'occuper d'enfants et que ça, etc., etc., etc. Donc c'est une journée de sensibilisation. Donc pour ce faire, nous avons décidé aujourd'hui de faire une programmation 100% féminine. Ouais. Avec que de la musique de filles qui chantent. C'est-à-dire c'est on a mis de la nouveauté, on est allé chercher des chansons à l'ancienne. Madame Bou qui fait la programmatrice de l'émission. Elle s'est fait plaisir. Elle s'est fait plaisir. C'est, vrai, c'est rare, hein. Ah, ça la change des trois mousquetaires, elle était heureuse. Ah, je peux vous dire que là, elle a surkiffé. Donc les filles, vous êtes à l'honneur. On n'a pas un mec qui chante, quoi. On n'a pas un auditeur qui passera ce soir. Que des filles. Que des filles. On aura des thèmes que de filles. On aura tout à l'heure, on aura même ce que pensent les filles. Vous aurez à la fin de l'émission un défouloir complet. Oui, y compris dans le public d'ailleurs. Hein. Oui, bien vous sûr. Vous pourrez, et autour de cette table et celles qui sont au téléphone, vous pourrez vous défouler. Et c'est vraiment ce que pensent les filles, surtout sur les mecs, sur le comportement, sur machin. J'ai quand même l'impression que ça va être la fête à notre cyber. Pas forcément. Ah, si, je pense qu'on va manger. Il y aura du devine qui c'est que pour des femmes. Ils sont cool ou pas que pour des femmes. Le super jeu, ce sera une fille. Le qui veut épouser, ce sera quelqu'un qui veut épouser une fille de l'équipe. Bon, il y en a que deux. Oui. Ça sera entre Stouff et Julie. Ça va, ma Stouff? Ça va nickel. Ouais, c'est celle que vous avez au standard. Je vous préviens, si vous décrochez pas au bout de deux secondes, elle vous défonce. C'est ça. Au bout de deux secondes, elle vous engueule. Et si à la troisième sonnerie, vous n'avez toujours pas répondu, elle prend le taxi, elle vient chez vous. Elle est très vite. Numéro. Merci. Ah, oh, ouais, bah super. C'est que moi maintenant quand il y a des auditeurs, je vois que le truc il clignote pas, j'ose plus lui dire. Oui, c'est vrai. Je n'ose même plus la regarder, des fois je tourne plus trop la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est tout le temps énervée, mais même dans le bureau, elle s'énerve toute seule devant son bureau. Alors, son coup, aujourd'hui, plus que jamais, on peut rien dire. Ouais, c'est ça. Exactement. Vous allez pas m'entendre aujourd'hui. En mode ta gueule. Elle a le droit. C'est la journée de la fille, elle a le droit. Julie, oui. Puisque c'est un peu ton émission, hashtag nous les filles chez Koé, vous nous faites tourner ça en tété. Oui. Voilà, on va voir. Et il faut que ce soit que des filles. Et les mecs, vous devriez vous aussi pousser ce hashtag pour qu'il arrive en tété, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la fille, donc vous devez y aller. Oui. Hashtag nous les filles chez Koé. Oui. Voilà, donc Julie, ça va toi? Oui, hashtag nous les filles, on est des princesses. Est-ce que vous avez remarqué comme je suis plus malade par rapport à hier? Vous avez vu ou pas? Comment ça hier, j'étais parce que j'ai pris des médocs, je me suis bougé soigné, le cul. Et moi, ça prend toujours 2 semaines avant que je sois soigné. Parce que je suis très résistant, moi. Je suis un garçon qui. Je suis malade un gros coup, super résistant, mais pas longtemps. Pas de chichi, il n'y a plus moins super. Et donc voilà, c'est toujours mon truc. Et là, je suis encore malade, mais bam, je lutte. Tu vas mieux quand même, ouais. Ah, je vais mieux. T'as meilleure mine en tout cas. Ah, je vais mieux. Puis j'ai pris des trucs là qui donnent une patate de folie. Des trucs Lego. Puis Lego, t'es con. Évidemment, ce que le médecin, des trucs Lego. Ah, Lego. Pas ce que le médecin m'a donné. Mais ça marche, ça marche. Piette, comment ça va? Je sais pas, j'ai le droit de dire, moi aujourd'hui, je suis pas une fille. Ça va. Tu as le droit de dire, ça va. Eh, mais il faut que je fasse super gaffe, faut que je mette tous les filtres en action là aujourd'hui. Alors là, s'il y a une journée où tu dois faire attention à ce que tu dis, c'est celle-là. D'accord. Ah, d'un moment à l'autre, on aura Mika parce qu'on n'a pas trouvé de nana qui pouvait le remplacer. C'est le seul mec qui aura dans cette émission qui va amener sa box all inclusive. Oui, à une fille. À une fille qui a été tirée au sort, qui s'est inscrite sur boxallinclusive.com, qui a choisi combien? Avec la société. On sait combien il y a dans sa box ou pas? Oui, il y a 9000 euros. Pas mal quand même. Ah ouais. C'est pas mal, 9000 euros de cadeaux. Hein. Si, mais là, vous êtes chez vous, vous dites non, pourquoi pas moi? Fallait vous inscrire. Boxallinclusive.com. Ça continue, vous pouvez Mika toujours vous inscrire. Lui emmènera sur. Elle est à la fac, je crois, ou à l'école. Oui. Et il lui amènera directement là-bas. Fait des cours du soir. Il a le droit de rentrer et tout, machin, et tac, il rentrera. Ouais. C'est bon ça, non? Excellent. Un jour un réa, comment vas-tu? J'étais en train de lui parler, c'est ma faute, je lui parlais. Tu sais, le réa qui tu dis bonjour, il regarde la console, il fait le bouton. Alors c'est lequel? Le micro. J'étais en train de lui demander. Non, le micro, c'est pas celui-là. Voilà, c'est de ma faute. Salut Koé. Ça va? Salut Koé. Ouais, voilà, tu es une fille. Voilà, c'est une autre réa aujourd'hui, c'est une fille. Toute l'équipe va bien, vous avez la pêche. On fait un gros bisou à Laura. Aujourd'hui, Laura, t'es la première fille qui débute cette émission de hashtag nous les filles chez Koé. Ça va, ma Laura? Coucou l'équipe. Salut, ma chérie. Comment était ta journée? Ça va, nous, ça va. On se prépare. On va devoir avoir une émission qu'avec des filles, où il n'y a que des filles qui vont chanter et interdit de faire la moindre vanne. Ça fait plaisir, les gars, au final. Et je fête mes 30 ans aujourd'hui. Ah. Ah non, chantez pas. Voilà. Si, et si, t'es mal barré, Pietre. C'est que le début. Tu vas te calmer. Filtre, on a dit filtre. 3, 4, joyeux anniversaire. T'as rien le droit de dire. Joyeux anniversaire. On peut dire que tu chantes mal quand même. Non, t'as pas le droit non plus. Joyeux anniversaire, Laura. À chanter. Bah oui, alors, c'est pas grave. Alors, le public a commencé à chanter, là, Julie, elle commence. Enfin, non, je chante trop. Je crois que j'en ai jamais entendu un juste, un joyeux anniversaire de toute ma vie. Mais parce que Julie chante, et vous comprenez pas, elle chante les notes à côté. Oui, non, mais même en général, il veut dire. Mademoiselle qui chante. C'est un peu comme Julie, tu vois. J'ai du vocoder. Laura, bon anniversaire, ma chérie. Ben, merci beaucoup, merci à vous, merci à toute l'équipe. Franchement, vous êtes géniaux. T'habites où? Et voilà. J'habite à Nice. Et on s'est vu au mois de juillet, à Comte. Alors ça, il faut quand même que je vous raconte. Faut quand même. Tu es de là-bas? Forcément. Non mais. Non, je suis de Nice, moi. Je suis venue à Comte juste pour te voir. Les amis, il faut que je vous raconte le spectacle le plus lunaire de ma vie. Fais un one man à Comte. Comte, c'est une petite ville au-dessus de Nice. Ouais. C'est ça. Hein, c'était le truc en plein air. C'est ça. Voilà. C'est ça, en plein les mecs, trois jours avant, voire même la veille, font un truc dans le journal en disant ah, c'est pas le 15, c'est le 14. Quoi? En fait, et ils inventent ils sont un truc. Dans la non, mais ils inventent un truc en plus. Oui, parce qu'il y a la demi-finale de la Coupe de Rome, on s'est rendu compte que c'était mieux de le faire la veille. Alors que pas du tout, les mecs s'étaient juste trompés de planning eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient juste, ils s'étaient trompés d'un jour dans leur programme surtout. Ah oui, d'accord. Donc les gars commencent à dire bon, on a passé le message, on verra bien. Je peux vous dire qu'il y avait un gars qui a fait une première partie avant moi, je pense qu'il a fait un spectacle devant 62 personnes. Oh, le pauvre. Heureusement, il y a plein de gens qui sont arrivés, heureusement, parce que j'étais à deux doigts de dire j'y vais pas. Puis finalement, je lui dis j'y vais. Mais ce que le mec m'avait pas dit, c'est que c'est en plein air et que pendant que tu fais l'émission, le show, il continue de faire les merguez, les paninis et les frites. Ah, voilà. Mais je crois que tu nous en avais parlé, ça, non? Et à un moment donné, je fais mon one man et je vois une nana qui se lève et qui essaie de passer discrètement, comme ça. Je lui dis bah alors, elle va faire pipi et tout. Elle fait non, je vais faire la caisse des frites. Ils m'ont amené des frites sur scène. Non, c'est lunaire. C'est énorme. Non, c'était génial. C'était au top. Mon fils, il a trop adoré. Ah bah c'est génial. Au final, c'est un peu hors norme, mais c'est une expérience, tu t'en souviens. Tu vois, il y a des one man, des fois, tu te souviens pas de tout ça, tu t'en souviens. Je te fais un gros bisou et bon anniversaire, Malora. Je t'embrasse. Merci, merci beaucoup. Émission spéciale filles. À nous les filles. C'est nous les filles chez Koé sur Énergie. Voici Beyoncé pour la peine. On écoutera quoi dans l'émission, Julie? On aura Sia, Taylor Swift, Shakira, Rihanna, Lady Gaga, Zao, il y aura Louane. C'est à mi-chemin entre les bonhommes et les... Je déconne. Oh, ça va, non. C'est notre copine, Zao. Donc, c'est une émission spéciale fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, quelle fille? Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Quoi? Ah, il faut expliquer ce qu'on a mis en place. Ouais, parce que là, tu mérites un bâton. Ouais. Pourquoi? Tu vois ce tableau? Qu'est-ce que c'est encore que j'ai fait? Lit. Bah, Lee, Koé, Guéguette, Loris, Pietre. Voilà. On a fait un tableau, en fait, aujourd'hui. C'est le tableau du pardon. Le tableau du pardon, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y en a un de nous, des mecs, qui fera une blague un peu misogyne ou pas qu'est-ce, une vanne sur les filles. Il aura un bâton. Un petit bâton. Mais c'est une copine, on déconne sur le... Et le premier qui arrive à 10 bâtons, l'émission d'après, il la fera habillée en fille. T'étais bien parti. Maquillé, toi. Ouais, la totale. Ah ouais, la totale. Après, on transforme. Il te reste 9 bâtons. Ah bon, mais Pietre, il va te rattraper, t'inquiète pas. À mon avis, Pietre, il a du lourd derrière. Ok. Je préparais la robe taille Pietre. Mais c'est pas sans ce que je voulais dire. Ah, ça y est, il va être vénère. Hashtag nous les filles chez Koé. Cette émission est spéciale pour vous. Leïla, ça va ma chérie? Coucou tout le monde, ça va et toi? Ça va Leïla, t'es en forme? Un peu malade, mais ça va. Ouais, moi aussi. Tu m'as envoyé un mail, coucou Koé, je t'écris car j'ai besoin. Mais il pourrait pas faire ça le CSA. plutôt que de dormir pendant des mois et de se réveiller. Il pourrait pas nous envoyer un mec du CSA, d'abord ça lui donnerait du travail. Et il serait parce là. Qu'ils s'ennuient tous dans leur grand immeuble, il serait avec son costard. Et dès qu'il y aurait une faute, il ferait un bâton. Et nous, on dirait, tu vois, quand on arriverait au 8e bâton, on dirait ouais, on se calme, on arrête. C'est vrai, mais normalement, t'as des avertissements avant. Bah là, non. Non, les mecs doivent se dire, ça fait 30 ans qu'il nous fait chier avec ses conneries, on met plus d'avertissements à lui. Le gars, il s'est lâché. On va le sanctionner directement. Non, mais un bâton, ce serait pas idiot. C'est vrai, c'est pas idiot. Monsieur du CSA, je lance cette idée. Faites le coup du petit bâton. Vous dites attention, c'est pas bien là, bâton, hop. Bon, alors en attendant, Leïla, tu nous envoyais un mail. Oui. Coucou, Koé. Je t'écris car j'ai besoin que tu me réconfortes. Mon copain est rentré à la maison aujourd'hui avec un bouquet de fleurs. C'est gentil. C'est alors, trop mignon. Sauf que c'était pas pour moi. Il l'a acheté pour l'offrir à sa patronne demain car c'est son anniversaire. Je suis vénère alors que j'ai pas arrêté de lui faire des allusions comme quoi c'était la journée des filles et qu'il devait me traiter comme une princesse. Ascenseur émotionnel. Alors, complètement zappé. Ouais, enfin, après, moi, je fais vraiment une différence entre la journée des filles et la journée de la femme. Ouais, c'est pas toi, chose, déjà, attends, toi, t'as jamais, toi, t'as jamais de déjà, cadeau. Déjà, j'ai jamais eu de bouquet de fleurs. Julie, elle a jamais eu de bouquet de fleurs, donc tu peux faire la différence entre d'ailleurs, ce que les tu gars, veux. J'attends. Hein. Non, toujours pas. Ce n'est pas ton mec. Hein. Ah, d'accord. Ouais. C'est ton mec de t'en offrir. C'est pas faux. C'est pas et faux. Alors, il est arrivé quand le dernier Non, toujours pas. T'as jamais eu. Seul moyen pour avoir des fleurs, elle se met l'appli sur Snap, elle se met le filtre avec les fleurs. C'est vrai. Ah, bah, j'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ouais, ça y est. Je vais faire une photo. Jamais de fleurs. Et tu gueules pas? Non, pas souvent. J'en avais beaucoup au début. Ah bah c'est toujours comme ça. Bah, la routine. J'en avais beaucoup au début et j'en ai beaucoup moins. C'est la routine. Bah, moi, j'attends toujours. Hein. J'en ai de temps en temps. Alors c'est vrai que quand dans un couple ça démarre sans cadeau, je te raconte pas dans 10 ans. Ouais. Parce qu'alors quand ça démarre mal. Mal parti alors. Ouais. Pourquoi toi non plus? Comment? Toi non plus, t'as pas beaucoup de gâteaux? Ah non. Cadeau. Non. J'ai dit cadeau. Des gâteaux. T'as dit gâteau. J'ai dit gâteau, les gars. Ah, toi, t'en as eu des gâteaux par contre. J'ai dit gâteau. Par contre, il t'a bien nourri. Hein. Oh non, pas de bâton. Attention au bâton. Ah, ah, bâton. Tu rigoles ou quoi? T'es où? Merci, Loris. Un banquier aussi. Choquant, il t'a bien nourri. Je mets un bâton, mais je suis d'accord. Mais c'est lui qui a dit de avoir des gâteaux. C'est toi qui a dit. Qui l'a dit? C'est lui. C'est Koé. Bon, attendez, je demande au public d'être vigilant. Dès qu'il y a un truc qui dérape, vous dites bâton. C'est qui? Il n'en a pas, lui. Bah non, c'est lui qui l'a dit. Bon, guiguette, j'en mets un guiguette. Pourquoi j'ai rien dit? Rien à voir. Enlève-le-moi. Tenons un bon truc. Non, c'est plutôt Piette qui en mérite. Excuse-moi. Dis plus rien pour la peine. Voilà. Bon, et Leïla, il te fait sinon des petits cadeaux? Ah, c'est tellement rare, c'est incroyable. Même en anniversaire, il oublie un des fois. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, ça fait 2 ans. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis... Il y a des mecs qui amènent souvent des petits trucs, des bouquets de fleurs régulièrement, tu sais, c'est leur truc. Ouais. Moi, je suis moins là-dedans. C'est vrai, je vais être honnête, hein, j'y pense pas des masses. Bah, j'y pense pas non plus. Mais, ça fait plaisir, pourtant. Mais je suis dans toutes les petites attentions de tous les jours. C'est-à-dire que ça va être un coup, une bouteille de champ. Un coup, si la personne elle aime bien des petits trucs elle, en niveau bouffe, un soir j'arrive avec du caviar, si elle aime bien une petite boîte de caviar, c'est une petite boîte de 50 grammes. Ouais. Ah oui, enfin bon. Il y a avec toi qui peux ramener ça. Bah, alors, non, mais des petites boîtes. Oui, moi je ramène du Wattibule. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez. Tu vas sur internet, tu te casses la tête, tes toutes petites boîtes de 25 grammes de Moi j'aime pas ça le caviar. C'est pas si cher que ça. Mais oui, mais quelqu'un qui aime bien, c'est un vrai kiff. Moi je suis plus là-dedans. Je suis plus dans les petites attentions. Ouais, c'est bien ça. Du petit resto, du petit truc, du machin qui fera plaisir que le bouquet de fleurs, on en est un peu plus. J'avoue, puis ça fane les fleurs, au final. Oui, c'est vrai. Alors qu'une casserole. Ça sert pendant. Hey, un trait là. On a mis une seule dernière page. Émission, t'auras les 10 bâtons. T'es en train de me rattraper, mon gars. Mais bâton. Non. C'est égalité, les gars. T'es en train de me rattraper. Une casserole, ça va pas. Leïla, ma chérie, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. Je pense que c'est très mal parti. Ouais. Ah non, mais j'y compte même, c'est très rare. Hein. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'à mon anniversaire, ils zappent. Non, mais le pire, c'est que. Voilà. Tu peux pas zapper l'anniversaire. Julie aussi, il te zappe la Saint-Valentin. Ah oui, moi, j'ai pas le droit à Saint-Valentin. C'est trop commercial. C'est un cadeau quand même. Ah bah oui, quand même. Ah bon. Mais bon, c'est avec Noël, donc du coup, j'ai une fois dans l'année. Oh là là là là. Bah ouais. Excuse-moi, il est né sous le signe du rat, ton mec? Non, mais c'est parce que c'est moi, je suis née le 26 décembre. Du coup, je fête Noël et anniversaire en même temps. Et alors? Et après, j'ai plus aucune fête dans l'année. Excuse-moi, ma nana, elle serait née le 25 décembre, le 26, j'aurais fait un cadeau. Le 26 et le 24, elle en a un pour Noël, elle aurait 2 cadeaux. Oui, ça arrive, mais après j'en ai plus tout le long de l'année puisqu'on fête plus rien. Et ben, raison de plus. Enfin, c'est ouais, mais plus. T'arrives quoi globalement, tant que t'englobes ça sur le Noël. C'est un plus gros cadeau si t'en as qu'un. En fait, vous êtes une famille de pinces, ton mais mec. Mais non, moi je suis pas une lui, pince. Lui, il offre pas de cadeau, toi t'invites jamais au resto à deux quand, c'est la pas vrai. Quand l'addition elle arrive, il doit y avoir des moments de solitude. C'est toi qui paye. Entre Julie qui dit je vais pisser, lui dit oh là la voiture, vite. Un peu plouf. Ils ont dû en faire des resto-basket, c'est les pas deux. Vrai. Et en plus, je suis sûr que vous sortez peu au restaurant. J'invite tout le temps. Je suis sûr que vous sortez peu au restaurant. Ça arrive. Wow. Les passes. Qui c'est qui paye, toi? Non, je peux pas. Par contre, on va souvent au cinéma avec les places énergie. Bien sûr. Sinon, les places de concert, c'est l'idiot avec énergie. Voilà. Bien sûr, évidemment. Ah, bah oui, les concerts, les gars. Évidemment, c'est notre avantage. Acheter une place, on vous en fout. Mais sans déconner, mais vous avez mis des oursins autour de sa carte bleue ou quoi? Non, mais moi je suis. Ah, oui. Moi ça va. Franchement, j'offre plein de trucs. J'ai plein de trucs. Il est pire que toi? Mais moi je suis. Non, mais réponds à ma question. Tout, hein. Il est pire que toi? Je suis pas pince, moi. Donc c'est bien qu'il est pire. Je pensais pas que c'était possible. Non, mais quand tu vas chez elle, t'es confortablement assis sur les cagettes. Hein. Ah oui, c'est ça qui est bien. Irait attendre récupérer les fauteuils qui sont à l'accueil d'énergie. Ils vont les changer bientôt. On peut rajouter des bâtons pour tout le monde là ou pas? Non, là ils diseraient. Bon, Leïla, ma chérie, il faut que tu sévisses un peu, sinon dans deux ans, t'auras plus rien du tout. Et en plus, quand t'achètes un bouquet de fleurs pour ta patronne, excuse-moi, mais ça devrait lui venir dans ta tête de dire j'en prends un pour ma copine. C'est vrai. On est d'accord. Surtout si alors, c'est à sa patronne qui met une cartouche. Vérifie ça aussi. En théorie, c'est. J'ai envie de mettre des doutes comme ça. C'est un mec qui offre un bouquet de fleurs à sa patronne, il faut toujours se poser la question quand même. Ouais, j'avoue, moi j'ai jamais eu de bouquet de fleurs de la part de qui que ce soit. À un moment donné, c'est quand même assez rare. Oui, on verra bien. Allez, je te fais un gros bisou, ça va aller. Est-ce qu'on t'a remonté le moral ou pas? Ouais, ça va. Bah, c'est normal. Écoute, ça fait plaisir. Bisous, ma chérie. Gros bisous, Leïla. Gros bisous. À très bientôt. Porte-toi bien. Dans un instant, on fera un devine qui c'est avec que des filles. Et là, dans la série, c'est encore une fille. Voici Ellie Goulding sur Énergie. Programmation 100% fille. Féminine. On se fait de la déconne dans cette émission, mais on parlera aussi de sujets plus graves tout à l'heure dans plein de régions du monde. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath, a new day. With love on the line. We found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. Just like that. Dans un instant, on aura de la francette, on fera du devine qui c'est. Qu'est-ce qu'on aura après Julie? On aura le huisson cool ou pas, et on aura quelqu'un qui veut épouser une fille de l'équipe. Ouais. Est-ce qu'il voudrait épouser Julie? Est-ce qu'il voudrait épouser Stouff? Ah, Stouff, ce serait marrant. Entre une qui gueule et une pince, ça va être génial.

Chez Coé les filles, on vous met à l'honneur avec ici un tableau. Ah mais c'est trop facile de tableau des sanctions parce que Loris il dit absolument en fait, rien et Yayette il dit rien à part 8000 likes. Les piles du micro sont encore mais s'il me prend de dire 8000 likes connasse, c'est pas bien, j'aurai un bâton. Bah tiens, un bâton juste pour ça. Non mais c'est vrai, c'est Pietre et moi qui l'ouvrons le plus. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, sur le dernier, je suis pas d'accord. Quand tu vannes un truc qu'on sait sur une fille de l'équipe, c'est pas une blague misogyne en général. Non, mais c'est méchant pour nous alors. Ça méchant fait... Bah oui. Et paye le resto, on ne traitera plus de pince. Arrête, je suis pas une pince. La dernière fois que tu m'as invité à dîner, c'était quand? Tu une plaisantes date. Tu cherches semaine... depuis 3 mois. Tu plaisantes, t'avais pas de ticket resto pendant une ne semaine, je t'ai payé. Je t'ai payé ton dîner tous les soirs, mais japonais. Mais tu les fais rembourser, tu mais gardes non, les tickets. Je les ai pas fait rembourser. Non, parce que tu les as perdus les ai tickets. Tu les fais rembourser ou pas? Non, mais lundi soir. Mais il avait des sous lundi soir. Non, pas la semaine dernière. Il a toujours des sous. Bah, arrête toi. Et toi, t'es un bâtard parce que je t'invite souvent aussi. Oh, tu te fous de ma gueule? Ah, si, je t'invite tout le temps, tu rigoles? Tu m'invites souvent, mais je t'invite souvent. Ah non, c'est totalement faux. À chaque fois, elle rembourse à la cantine. Ouais, c'est marrant. Euros. C'est elle marrant s'en rend pendant 10 c'est ans. C'est marrant parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle s'écrit la vérité, Julie. Stéphanie! Non, mais tu mens, Loris. Je mens. Ah, bah, tu mens. T'es mal placé pour l'ouvrir aussi. Excuse-moi, je vais donc remettre juste le truc central. Tu m'exclus la cantine à 1,80€ parce que si à chaque fois qu'on j'ai compte, déjà invité. J'ai invité Julie, Pietre la semaine Julie, dernière. Je m'en fous que t'aies invité c'est la Terre entière et François Hollande. Pietre, c'est vrai. Julie, je vais faire un point. Julie, je t'avais invité la veille. Julie, je te parle de moi. La dernière fois. Ouais, tu veux qu'on se fasse un dîner tous non, les deux? Non, je t'ai pas demandé ça. C'est quoi, la dernière fois, une année, au moins que tu te souviennes d'une année. Je m'en ai déjà invité une quand fois, mais je m'en souviens pas. 2014. Une fois en 10 ans, je pense. Et moi, effectivement. Et c'est pas une pince. Ouais. Une fois je t'ai invité 1000 fois, quand arrête. Mais dis-moi quand, dernière fois. Bonne ambiance dans cette équipe. Bon, tu veux un café non, merci. Je te paye un café. Bon, voilà, il y a 30 centimes. Ceux qui ont un Galaxy Note 7. Ah oui, il faut faire attention. Grave. Vous avez qu'est-ce vu que bah, les batteries. Ils pètent dans tous les sens quand tu les recharges en fait. Alors moi je vais quand même vous raconter un truc. Moi ce week-end j'ai un MacBook Pro. Parce que là tout le monde est en train de défoncer les batteries. Ouais. Ceux qui ont un MacBook Pro, si tu fais pas attention, il y a un moment donné ta batterie elle commence à gondoler, elle t'explose son MacBook. Ça l'a fait sur mon ancien. Moi mon MacBook, le clavier il y a un demi millimètre d'un côté parce que la batterie elle a chauffé et si je l'avais laissé chauffer plus, elle aurait pu exploser à l'intérieur. Donc tout le monde est en train c'est de défoncer depuis ce matin Galaxy Note, et Samsung, mais tous ceux qui ont des MacBook et qui laissent beaucoup tourner se rendent compte ma batterie je pourrais vous l'amener, elle est complètement déformée, complètement gondolée. Je pense qu'une heure de plus, elle aurait pris feu. Et, non, et elle a explosé là, le monté de mon ordi qui est complètement. C'est horrible. Ouais, non, mais enfin là, il a explosé. Là, t'as vu les photos avec le Galaxy. Oui, bon, ça chauffe un peu. Il l'a mis sur sa table. La table, elle est brûlée. Et ouais. Je m'adresse au mec qui a fabriqué des batteries. Il peut pas en mettre dans les ballerines ou dans les fringues de chez Desigual. Ah ouais. Qu'on soit débarrassé une fois pour toutes. N'achetez pas Desigual, ils explosent, ils brûlent. Appelle-moi de la française. C'est dur. On fait du devine qui c'est. Ah, si la française t'es cool. Et si t'étais gentil avec la française? Je suis gentil. Tant gentil. Ouais. Alors, devine qui c'est. Allô? Allô? C'est Francette? Qui c'est qui prend le téléphone là? Bonjour! Devine qui c'est? Oh, il y a eu une phase. Francette? Oh merde! Oh, elle était géniale, rappelle-la! Devine qui c'est qui prend le téléphone? Oh merde! Elle est formidable cette Francette! Vous pouvez me rappeler la même s'il vous plaît? Je pense qu'elle va plus décrocher, mais on y retourne. Ça se tente. Elle m'a fait flipper! Elle était possédée. Oui! Annabelle! Allô? Allô? Merde! l'air dur de décrocher. Mais elle est fantastique. Allez, ouais, non, mais elle est possédée, je pense. Voilà. Peut-être qu'elle a un Samsung, faut faire gaffe. Là, ça a accroché, mais c'est improbable. Les dossiers Warren, là, c'est le troisième film, là. Eh ben, merde. On réessaye. On lâche pas cette francette. C'est... Allô? Allô? Allô? Je crois qu'on est déjà plus là. Déjà... Non, elle va très vite. Elle est comme ça, je pense qu'elle, elle se fait un test de rapidité. Tac, tac, tac, j'avoue. On y retourne, Attention, vous allez voir. Décrocher, raccrocher. Attention, ça va très vite. Allô? Eh, c'est bizarre, tu t'entends derrière. Bizarre, mais oui. Elle est étrange, Francette. La même ou une autre? La même. Lâche pas, j'aime bien. J'aime bien. Appelez un prêtre, on va faire un exorcisme. Ah ouais, là, il faut, je pense. Attention. Non, ça y est, décroche plus. Oh, c'est dommage, il était très beau, le merde. Oh. Francette! Mais elle raccroche. Mais elle est incroyable! Non, elle sait même pas qui parle, elle a pas envie. Elle a pas envie. Bon, tu m'en fais une autre, s'il te plaît? Et on finira par Francette, on va lui laisser 3 minutes, 3 secondes de répit. Attendez juste après. Tac, tac, tac, tac. Francette! On va à Marseille. Vous entendez le bruit que ça fait? Un peu. Allô? Allô? C'est Francette? Oui, j'écoute. Oui? Bonjour! Allô? Devine qui c'est? Je sais pas. Eh ben, devine. Qu'appelle pour dire bonjour? Non, je vois pas qui ça est. Bon alors, tu cherches pas? Oui, je cherche, mais je vois pas qui ça est. Qui c'est que ça peut être? Qui peut t'appeler? Tu n'as pas cherché? Hein? Je dis, tu n'as pas cherché. Qui c'est qui pouvait t'appeler? On est posé. Alors, il... Ah, pas c'est d'idée. Une blague. Mais non, c'est une blague, je t'appelle, Aïe, et je te demande de voir qui c'est qui t'appelle, Aïe. Bon, alors écoutez, je raccroche parce que pourquoi c'était pour une blague, c'est pas... Bon, non, alors c'est pas drôle. Si c'était une blague, vous n'êtes pas très drôle depuis le début, hein, Francette. Ben non. Je vois bien. Allez, c'est pas drôle, là. Alors, non, alors écoutez, monsieur, ça fait deux fois que vous me dérangez pour rien. Écoutez, madame, je suis désolé, c'est la première fois que j'appelle, madame. Non, monsieur, c'est la seconde madame. Fois. Vous avez madame. Raccroché tout à l'heure. Madame. Ouh, je attention. Lève ma main droite, je dis oula. C'est la première fois que j'appelle. Non, monsieur. Madame. C'est le deuxième appel que j'ai indisponible de votre part, monsieur. Madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que bon. Ça veut dire. Mais c'est la première fois que moi j'appelle, madame. Bon, mais écoutez, monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. Ah je vous remercie. Alors, qui c'est qui vous appelle, d'après vous? Devine qui c'est. Oh, la Francette. Allez, on refait la première. Allez, on y retourne sur la première. Allez, on y retourne. On va peut-être avoir un gros merde, hein, c'est possible. Attention. Fais une voix de fille. Comment je fais? Allô, merde. Allô? C'est Francette? Allô? Francette? Oh, merde. Elle est géniale. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Non. Je crois que, hein, avec, ce petit, avec ce petit raccroché hésitant. On essaiera de la rappeler pendant l'émission. Ouais, voici Tal sur Énergie. Le toc toc toc avec Tal dans quelques jours. On ira chez vous, inscrivez-vous sur énergie.fr. Vous allez là-dessus, il y a tout un questionnaire et peut-être que je vais frapper chez vous. Il range ta chambre, c'est cette semaine aussi. L'impression. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui part. Ce monde qui nous laisse. just leave all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find our mission. Some new every year. Le soir, c'est Coé sur Énergie. C'est pas ça, Coé. Non, Coé. Allez, va te faire foutre. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Avec du public de partout. Avec Zara Larsson qui va venir nous voir dans la semaine. Il y a Souf qui va venir chanter. Julien Peretta va venir dans quelques jours. Les Fifth Harmony vont venir dans l'émission. Et un Naïve New Beaters, j'adore ce morceau, ouais. J'adore ça. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ils sont barrés. Ils sont complètement barrés. Ouais. Quand on sera au parc Astérix, Black M sera avec nous. Il est bien celui-là. Oh. Ouais, j'aime bien moi. Ouais, ça va. Oh. J'aime bien ça. Voici le moment du ils sont cool ou pas. Vous connaissez le principe? Le ils sont cool ou pas, nous appelons un magasin qui a un nom très zen. Ouais. Aujourd'hui, nous appelons cool Zen aux beautés. Zen. Ils sont censés être très cool. Ah bah ils sont censés être zen. Chez Zen aux beautés, t'es zen en théorie. Quoi qu'il se passe, même si t'as un gros con au téléphone, t'es zen. T'es zen. Tu dois rester zen, tu représentes la beauté. Et je vais être le gros con. On y va, c'est parti. Tiendront-ils? Jusque-là, moi je suis fasciné. Est-ce qu'on peut te rajouter des bâtons à chaque fois du coup ou pas? Ah non, ça compte pas. Ah non, ça compte pas. Moi, je suis fasciné de voir à quel point les gens sont gentils. C'est vrai. Et ils tiennent bon. Allô ? Zenéo Laurence, bonjour. Ouais, bonjour. C'est Zen... Zenéo... Zéo quoi ? Zenéo. Oui, Zenéo. Ouais. Oui. Zenéo, ça, je comprenais pas le nom. J'appelle là pour faire un cadeau à ma femme. Oui. Elle aime bien, là, vous savez, là, toutes ces conneries d'ongles, tout ça, là, toutes ces pétasses. Dites voir, c'est pas des conneries, hein. Oh bah non, enfin bon, je suis un homme, pour moi, tout ça, c'est de la connerie qui coûte de l'argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Non, parce qu'avant, elle les faisait elle-même, ses ongles, et c'était une horreur, elle se faisait les doigts en même temps, enfin c'était... Ah, oh, là, d'accord, bon, on va lui faire bagnole quelque volée, chose de bien, alors. Ah ouais, c'était dégueulasse. Donc, vous faites les pieds aussi ou pas? Bien sûr. Ok, parce qu'elle a les pieds, j'essaie de vous trouver une image pour que vous... Dégueulasse. On lui fait quoi, une manicure, une beauté des mains? Ouais, non, ouais, tout. Elle a les pieds qui me dégoûtent quand ça dépasse des draps, là, c'est. Ça me dégoûte. Faut arranger ça, madame. Hein. Mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Ouais, mais enfin là, c'est de la magie, hein, quasiment limite, parce que vraiment, je vous assure, c'est dégueulasse. Oh, dégueulasse. Non, c'est non, non. Non, je n'exagère pas, là, les pieds dégueulasses, limite, vous ne le ferez pas. Vous verrez quand vous les verrez. Je vous le dis. Moi, je vous le dis direct. De toute façon, les trucs sur les ongles, tout ça, j'aime pas. C'est pour les cagoles de télé-réalité, tout ça. Bon. Hein, pour moi, c'est pour les nanas qui font les anges, là, les Marseillais, tout ça. Vas-y, je te fais des dessins sur les ongles, des notes de musique. Oh là, pouf, ça fait pouf. Ça fait coiffeuse. Enfin, pardon pour vous, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait, ouais. Ça fait poseuse d'ongles. Bah, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je trouve que ça fait trop vulgaire. Hein. Ça fait pas. Dépend comment c'est fait. Puis ça fait pas intelligent, quoi. Tu vois pas une nana avec des ongles comme ça faire un sudoku, quoi. Tu vois, tout de suite, tu... Ah, ouais, mais là, vous allez chercher l'extrême, là. Ouais, mais enfin, c'est bon. c'est de la michetonneuse, ça. C'est pas... Bon, dites-moi tout. Vous voulez qu'elle vienne quand? Vous le faites à vous, les ongles? Vous faites les Bien ongles? Bien sûr. Ah, pardon pour ce que j'ai dit, alors. Pardon, excusez-moi. Non, mais moi, vous savez, c'est ce que je dis, hein. Les goûts, les couleurs, ouais. Sont dans la nature. Hein. Vous êtes une cagole, quoi, en fait. Non, mais faut que je sois aussi représentatif de ce que je vends. Grosse cagole. Bon. Voilà. Parce que vous vendez des bijoux aussi ou pas? Oui, un petit peu. Bon, parce que moi je suis nul hein, pour choisir ces trucs-là, je vais avoir de moins besoin de vous, hein, c'est ça? ouais, ça va être son anniversaire à ma grosse, donc imaginons vous êtes ma femme. Ouais. Ce qui n'arrivera pas parce que j'aime pas votre voix, puis les ongles ça fait cagole, c'est impossible, il faut avoir de l'imagination. D'accord. Imaginez, vous êtes ma femme, mais qu'est-ce que vous ferez plaisir? Vous aimeriez quoi? Sans vous connaître, c'est difficile. Ouais, bah, une fille, ça aime quoi? Je sais pas. Ouais. Bah, après, ça aime quoi? Ça dépend du style qu'elle a. Elle est quoi? Ouais. Elle est moderne, elle est classique, elle est. Elle est dégueulasse. C'est, non, mais vraiment, on s'est connus depuis qu'on était petits, elle a très mal évolué, trois enfants, enfin, vous voyez le tableau. Vous avez combien d'enfants, vous? J'en ai qu'un et il est grand, il a 26 ans. Vous donc êtes sur le chemin. Vous voyez, déjà avec un enfant, vous avez vu les dégâts, alors imaginez trois. Et un garçon, donc moi, j'ai pas de problème avec les filles. Ouais, enfin bon, hein, physiquement, non, c'est trop. Non, je veux un truc qui l'arrange, quoi. Eh bah, déjà, dites-moi, quand est-ce que vous voulez qu'elle vienne? Bah, quand elle a le temps, il faudrait que je lui demande. Vous êtes cher ou pas? Niveau tarif, non, c'est quoi? Non. Après, voilà, les mains, par exemple, une beauté des mains complète. Ouais. Avec une pose de vernis simple, 40 euros, par exemple. Oh putain, vous faites pas chier quand même, hein. Manicure complète, 35. Ah ouais, non, vous lui ferez qu'une main, hein. Non, non, attendez. Une main et un pied, quoi, c'est ça? Ouais, non, on fait qu'une main pour démarrer. Non, je l'aime pas assez pour les deux. Non, une main. Bon. Ah, non, et après main. Et faites pas vos ongles dégueulasses de cagole, hein, que vous avez sur vous, là. Je veux des trucs classe, hein. Mais moi, ce que j'ai, c'est classe. Hein. C'est quoi? Parce que vous avez pas vu. Hein. C'est quoi votre dessin? Ah, j'ai pas de dessin, moi. C'est quoi? Je suis sûr que vous avez mis un brillant dessus, genre un petit diamant, là. Ah, pas du tout. Ouais. Le piège, pas du tout. Vous avez fait quoi? Juste le truc blanc? Non, pas du tout. J'ai une couleur très tendance. C'est quoi? Un c'est nude. Quoi quelque chose de nude. Nude? Ça veut dire voilà. Quoi? Voilà. Ah. À poil? Quelque chose de nude, c'est quelque chose de très naturel. Ah ouais? Ah, ça me ferait chier de mettre 40 euros pour avoir un truc naturel, quoi. Quelque chose qui, ça se voit quand même. Bah oui, mais enfin, si c'est naturel et que ça se voit, c'est... C'est un léger rosé naturel. Ouais. Ouais, bon. Après, la couleur, elle choisit, hein. Ouais. Ouais, mais enfin... Bon, bon bah, on se dit que... Oui. Allez. Vous lui demandez quand est-ce qu'elle veut venir et après, vous me rappelez, on lui bloque un rendez-vous. Bon, en tout cas, vous êtes sympa, hein. Bah de rien. Ah, vous avez vu comment elle est zen? Le sourire tout le elle long. Elle est d'une quoi. Gentillesse. Elle est incroyable. C'est dingue. Alors, vous m'entendez? Bah bien sûr que je vous entends. Bon, moi je m'appelle Koé. Ouais. On est sur Énergie, le public applaudissait là. Je suis désolé d'avoir été con à ce point-là. Pardon hein, quand j'ai dit cagole. Hein. Je suis désolé. Hein. Non, mais vous savez, moi je m'adapte à tout. Hein. Ah, bah j'ai là, vu. Je suis là pour mes clientes. Et voilà, donc elle une cliente, pour moi, je la chouchoute. Je suis là pour ça. Laurence, il est où votre magasin? En plus, elle est pas chère. Laurence, mais comment vous connaissez mon prénom? Parce qu'en décrochant, j'ai dit bonjour Laurence. Ah, bien joué. Quelle mémoire. Comme toi, tu t'appelles pas Laurence. Ça doit être elle. Moi, je suis à Villemomble. À Villemomble. D'accord. Eh ben, écoutez, on vous fait un gros bisou et on vous embrasse, Laurence. À bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous, au revoir. Bisous, c'est adorable. Donc, résultat, ils sont cool. Ouais. Dans le ils sont cool ou pas. C'est spécial vrai, fille, cette émission. Voici Taylor Swift, assise aux toilettes. Ouais. Oui. Allez, là. C'est honnête, ça. Assise aux toilettes. Maintenant, c'est là. I'm too late. Got nothing. world, you could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Gaga, tout à l'heure, il n'y aura que des filles. Programmation 100% filles, hashtag réagissez à l'émission. Nous, les filles, chez Koé, tout à l'heure, on aura du témoignage d'une demoiselle. On aura Florine dans deux minutes qui nous expliquera tout ça. Et on aura des coups de gueule tout à l'heure contre les flics. Les filles. Pas les flics. Non. Les filles. Qui sont parfois et encore malgré tout trop souvent maltraités dans certains pays du monde. On en parle tout à l'heure. A tout de suite, bougez pas. Un pour tous. Sur scène, ils mettent le feu. Très très beau spectacle. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Tous pour un. Les trois mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous en ce moment au Palais des Sports de Paris avec Énergie. It's music only. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vir Militaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Bonjour, c'est Garance Doré. Du 12 au 23 octobre, c'est les 3J des Galeries Lafayette et on peut y trouver toutes mes pièces préférées de la saison jusqu'à moins 50%. J'adore. Et ça marche aussi sur galerielafayette.com. Alors, foncez. Du 12 au 23 octobre, les 3J des Galeries Lafayette, c'est jusqu'à moins 50% sur une sélection mode signalée en magasin. Le 19 octobre, retrouvez Énergie au Parc Astérix. Gagnez des places pour assister à l'émission de Manu dans le 6-9. En direct du Parc Astérix, avec Énergie. Salut, c'est Manu de Manu dans le 6-9. Écoutez Manu de 6h à 9h30 sur Énergie. Chaque matin, Manu vous offre des places pour vivre l'expérience inoubliable de Peur sur le Parc le 19 octobre. Énergie, it's music only. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur r-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bonjour, c'est Faustine Bollard, le meilleur pâtissier est de retour avec un Cyril Lignac toujours aussi gourmand. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Une mercotte plus exigeante. C'est une catastrophe. Et 12 pâtissiers amateurs passionnés à vos marques, prêts, pâtissés. Le meilleur pâtissier présenté par Faustine Bollard, c'est demain à 21h sur M6. Oh, oh, oh, M6. Marc, ça te dérange si je prends 2 jours pour aller chercher mes nouvelles lunettes à Nantes? À Nantes? Mais pourquoi Nantes? Bah, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, hein. Ah, moi, que tu me dises que notre mutuelle a mieux à proposer? Non, je crois pas. Bah voilà. Mais, tu sais, c'est pas si mal, Nantes. Je t'ai déjà dit que, plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Marion aurait pu bénéficier d'un réseau de plus de 5000 opticiens forcément près de chez elle. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Slimane. Si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors. Slimane. Son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15 sur Énergie 12. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. 50. Ah, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, même 50, la nuit, c'est grave. 50, bah, il souffre d'une quinquagite. Une quinquagite ? Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99 euros par mois. 50. Et ça soigne ? Ah oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci Free. Merci docteur. De rien, déshabillez-vous. 50. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec mobile 4G. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Warcraft, le commencement. L'adaptation du célèbre jeu vidéo en Blu-ray et DVD. La Horde et l'Alliance s'affrontent dans un déluge d'effets spéciaux et de batailles spectaculaires. Nous protégerons le royaume. Choisissez votre camp. Warcraft, le commencement, en Blu-ray et DVD. Avec énergie. Instant qui a voulu inverser des trucs avec son mec, on en parle dans quelques minutes. Vous connaissez Rag Bodman? Connaissez? Non. Moi non plus, ils seront nos invités bientôt. Ouais. Je ne les connais pas du tout. Tal, je vous l'amène chez vous. Pour le toc toc toc, et dans la semaine, demain ou après-demain, on vient chez vous avec l'équipe pour un range ta chambre. Ouais. Vous avez été nombreux à vous inscrire, on a pris du monde au sort et on vient chez vous et on va ranger votre chambre. Vous allez kiffer ce moment-là. Une info, on apprend que les femmes seraient plus prêtes à passer à l'acte. Dans quel endroit d'après vous? Vite, donnez-moi l'endroit. Vite. Ah, dans la cuisine. Aux toilettes. Non. Dans la voiture. Dans la chambre. Non. Au bureau. Oui. Ah, ding, bah, au boulot. Pietre, un point. 70% des hommes et 52% des femmes ont déjà eu envie de flirter avec des personnes de leur entourage professionnel. Ce seraient les femmes qui oseraient plus facilement passer à l'acte au boulot. 44% d'entre elles ont déjà pratiqué au moins une fois des galipettes au boulot. Non, mais c'est énorme, ça fait une sur deux. Ce qui est énorme, c'est pas ça. C'est que quand tu considères que généralement les hommes ne travaillent pas avec leurs femmes, oui, et que le sondage te dit que 42% des nanas ont déjà baisé au bureau, oui, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'il y ait ta femme dans le lot. Bah, oui. Oui. Et vu que toi t'es pas au bureau, c'est pas avec toi qu'elle était. Oui, tu peux venir sur l'endroit où travaille ta femme aussi. Non, oui, non, c'est chaud, non, ça. Non, j'y crois pas une seconde. Dans les open space, tu t'imagines toi, non? Bah, non. Moi, ici, vous connaissez ma devise: no job, in job. C'est ouais, clair, c'est ça, bien, non? C'est clair. Ouais. T'as voilà. Raison. En tout cas, pendant l'émission, après, on peut s'arranger. Mais Stouff, t'as bien entendu ce que j'ai dit? Non, j'ai rien entendu. Bah, je te le redirai. Stouff, elle a déjà fait sur son lieu de travail, je crois. C'est vrai? Non. Coupe. Ça sent le mytho, ça. Coupe. Mais... Oh, c'était où? C'était où? Mais nulle part. Allez, tu balances. Bah, toi, Julie, non? Je vous laisse. Restez avec nous après Vitage. Les deux, vous êtes obligés de lever la main droite et de me dire où c'était. Et, de, pas, et pas de mythoserie. Hein, pas de. Okay. D'accord. Okay. Aujourd'hui, c'est la journée de On ment pas. Oui. C'est vous, les filles, qui avez cette émission. Bah, maintenant, on va dire la vérité. Vita sur Énergie. Comment s'appelle le titre? Ah, bah, sans micro. Bienvenue dans les rues de Paris. Ici, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique, un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. C'est Paris. Ici c'est Paris. On fait des emplettes, on monte à Montmartre avant on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrête à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. Tu n'as pas le droit de mentir, c'est la journée de la fille chez nous. Oh là là. Stouff, tu as fait l'amour sur ton lieu de travail. C'était où, quand, avec qui, dans quelle position, combien de temps ça a duré, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Alors c'était où, dans une autre radio. Quelle radio, quelle radio. Une autre radio. La Fun. Voilà, ah bah bravo, ça baisait la Fun Radio. Allez. Moi aussi, c'est le même endroit. Que fait le CSA. Voilà. Ah bah bravo. Donc à l'époque où on travaillait ensemble déjà. Et c'était dans le fameux placard. Ah bah pareil. Le même endroit. C'est dégueu. C'était quoi ce placard? Ah moi je vous l'avais déjà dit. Hein. À Fun Radio aussi. Ah bah oui. Mais que fait le CSA pendant toutes ces années? Moi je vous l'avais dit, dans le placard du studio, vous vous souvenez, voilà. Le petit placard? Oui. Alors moi je me souviens plus du tout. Alors, avec la, placard. Est-ce qu'on l'a fait avec la même personne? Ah mais moi j'ai dormi dans ce placard, ça me dégoûte. Non. Viens me dire Laurent. Non, t'as pas fait avec la même personne. Viens me dire Laurent. Moi, je suis né dans ce placard. Non, je peux pas le dire. Non, tu vas le répéter si je te le dis. Viens, allez, dépêche-toi. Viens ici. Attends, je veux juste savoir. Toi, c'est qui? Je sais. Bah oui. Bon, voilà. Attends, ah, je veux juste. Allez, vas-y. Qui? Non. Mais c'est qui? Oh là là. Qui? Ah, je veux savoir. J'ai pas dit qu'il s'appelait Tristan. Je l'ai pas dit. Je vois pas qui c'est. C'était un journaliste qu'on avait. Oh. Ah. Non. Mais ah oui, hey, vous êtes des gourgandines. De ouf. Hey, vous êtes des super gourgandines quand même, parce que quand on avait le dos tourné dans le placard d'un studio, le placard et la prod aussi. Vous hein. N'avez il y honte avait la prod, les petits studios prod. Ouais. Mais vous n'avez honte de rien. C'est moche. Florine, avec son mec, a voulu inverser les rôles. Elle nous a envoyé un mail. Ça va, ma Florine? Ouais, ça va. Hashtag bonjour, nous les filles chez Coé sur Énergie, que des filles qui passent chez nous dans l'émission. Elle me dit je vous écris parce que j'ai fait un truc avec mon mec. Pour une fois, on a inversé les rôles. Comment ça? C'est-à-dire? Ouais, c'est lui qui a payé. En fait, aussi. Enfin, il va bientôt. Non, en fait, depuis hier soir, j'ai tout laissé traîner. J'ai tout dit, mes culottes, comme les mecs savent faire. Leur t'as pissé sur la cuvette. J'ai pas. Non, tu l'as levé. Ouais, quand même. Non, mais j'ai laissé la vaisselle. J'ai pas voilà tout et je suis rentrée ce soir. Mon petit Tom, mon petit Jo, il m'a tout fait. Il a fait tout le ménage. Mais il a ramassé les petites culottes et les soutiens-gorge et tout. Ouais, il a tout rangé, il a fait à manger. Ça te dégoûterait? Et pourquoi nous on le fait et on dit rien? Je vais juste te dire un truc, Julie. Moi, de ma vie, jamais ma nana a ramassé un slip ou un caleçon à moi. J'ai l'impression que c'est une légende, ça. Jamais. Moi, je prends mes affaires, je les mets dans un. Je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas que ma nana. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans un couple quand ta meuf commence à ramasser ton slip sale au bout du lit et ta paire de chaussettes. Je trouve que c'est le summum du dégueulasse. Et moi, je pense que ma nana laisserait traîner sa culotte par terre qu'elle a, non, qu'a été portée. Non. Pour une fille, non. Mais pour un garçon. Il n'y a plus de sexe pendant 15 jours. Ma libido, elle retombe à zéro. On sait que les garçons, vous ne rangez pas vraiment vos affaires. Moi, je range donc, tout. Toi, tu ranges tout, tu plies tout, tu. Non, moi aussi. Tu mets tout à laver, tu récupères tout. Maintenant, oui. Tu deviens un homme d'intérieur. Vous savez quoi maintenant, bon, maintenant que je refais un peu ma vie, ou ma vie qui s'est refait sans moi. Enfin, je sais pas comment dans quel sens ça a été, mais bon. Maintenant, je prends mes affaires. Je vous assure, le soir, je rentre, je prends une douche, tac, mes affaires, je les prends. Hop, machine à laver. Dès que j'ai fini de bouffer ou qu'on a fini de bouffer chez moi, t'es dans le linge. Tac, tout dans la machine à laver. Bim, bim, bim, en programme machin. 29 minutes dans le lave-linge ou dans le lave-vaisselle. Bah, tu découvres la vie, quoi, en fait. Et je peux te dire, il y a rien qui traîne chez moi. Parce que j'aime pas quand c'est le bordel. Alors que j'ai jamais une femme tu de laisses traîner. Je vais être honnête avec vous. J'ai une femme de ménage. Je pourrais dire, hey, mais... on verra ça demain. Oui, non. Mais elle passe pas tous les jours. Elle a rien à branler. Des fois, je la vois, elle est dans le canapé. Elle fait ça va. Ça va. Je dis, vous avez trop nettoyé, monsieur Cohen. Je peux plus rien foutre maintenant. Toi, tu fais ta lessive. Elle regarde la télé. Je la vois, elle pousse le cendrier. Elle fait tomber un truc pour avoir quelque chose à faire. Elle vient avec des chaussures pleines de poux pour pouvoir nettoyer. Ah non, mais je suis un psychopathe. Mais genre, tu défais ton pull, ton t-shirt, machin, etc. Tu laisses pas traîner de temps en temps, une fois, sur un bout de panier. La nuit, tu récupères le mets dans mon panier à linge sale. Les serviettes, dès que j'ai fini la douche et que ma serviette elle est mouillée, panier à linge sale, mon peignoir, je le remets sur mon truc qui chauffe. Tu laves tes serviettes à chaque fois que tu prends une douche? Tout le temps. Une douche, une serviette nettoyée. Mais je m'en fous, je nique la planète. Ouais, j'en ai rien à branler, j'ai acheté un scooter électrique, je peux bien me faire plaisir à nettoyer une serviette par jour quand même, non? Vu une le prix serviette que scooter par électrique. Jour, mais quel intérêt? Ben parce que j'aime pas réutiliser une serviette, c'est plein de mycoses. Mais une serviette qui est humide. Non, c'est propre. Non, c'est plein de saloperies. Il y a rien de pire qu'un truc qui a été mouillé et qui a été resséché parce que toutes les saloperies dedans, elles restent. Vous savez les charlottes que vous utilisez, vous les filles, là, les trucs, ça s'appelle pas une charlotte, les fraises que vous mettez sous la douche. Ah, ça, c'est même les éponges, c'est ouais, ces trucs-là. Ah, ça, c'est ouais, dégoûtant, oui. Ça, c'est le truc qu'il faut les jamais éponges, utiliser là, parce que ça reste dans, les un, fleurs. Truc, ça reste dans un truc humide. C'est un bac à culture de toutes les bactéries du monde et vous reprenez et croyant que vous vous lavez, vous réétalez toutes les bactéries ouais, et les saloperies dessus. C'est dégoûtant, mais c'est comme les gants. Moi, j'aime pas les gants. Jamais utiliser ça. Donc voilà, moi, un lavage, un machin, chaque poubelle. Ok. Non, pas poubelle, nettoyage. Je change de fringue tous les jours, je jette. Je change de douche aussi. Floride, alors vous avez inversé les rôles et ça a marché, il a pas gueulé. Ah non, pas du tout, ça a été un amour. Ouais, mais c'est parce que c'est pas bah, parce que juste une fois dans l'année, il peut mais bien. Mais c'est bien, mais t'as raison, il y a un moment donné, puis ça reste pas si terrible que ça. Oh, non, faut faire des efforts. Il sera récompensé après. Ouais, je te fais. Ça, vous aimez être récompensé. Hein. Ouais, tu vrai. Je fais un gros bisou, ma petite Florine. À bientôt, ma chérie. Gros bisous à tout le monde. Et embrasse ton mec, il a été très bien. Ouais, voilà. Y a pas de soucis. Voilà un gars qui donne l'exemple. Pas comme les gens de cette équipe, c'est Lady Gaga. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, que des filles, même en prog dans l'émission. Écoutez ça comme c'était bon. Oh putain, ça fait du bien de le réentendre. Ah grave. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. sur Énergie. Yes, on est tous là sur Énergie avec toute l'équipe. Julianne Peretta viendra nous revoir dans quelques jours. Crying. Qui va épouser un membre de l'équipe? On l'a dit aujourd'hui, c'est une émission 100% fille. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui va épouser une... ou Julie, ouais, ou Stouff, qui est au standard. Mais... ni Piette, ni Guéguette, ni Loris, ni personne, machin et tout. Non, c'est obligatoirement une des deux. Jessica, comment ça va ma chérie? Salut Coco, salut toute l'équipe. Salut Jessica, t'habites où? J'habite à Paris. D'accord, très bien. La vie se passe bien, t'es heureuse, t'as un chéri? Très bien. Non, pas chéri. Ah, célibataire. D'accord, ah, célibataire. Tu cherches quoi? Bah, rien spécialement, enfin, je prends je suis tout seul, pas qu'on me dire me va chier, je suis bien comme ça, moi, y'a pas besoin de mec. C'est vrai, t'as pas de chéri? Non. Pas normal, ça. C'est pas normal. Bah, non, ouais, c'est pas normal. Mais parce que faut toujours. Je crois que les filles, vous vouliez toujours avoir un chéri. Oui, normalement, oui, les filles, elles cherchent généralement. Ça dépend à quel âge après. Hein. Quel âge tu as, Jessica? J'ai 25 ans. Ah, bah là, normalement, c'est le plein âge. Normalement, oui. 25 ans, en théorie, c'est l'âge où tu commences à t'installer, à dire un enfant, ce serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Prenons un chien. Tu vois, Julie, et une DS4. Julie, c'est la vie rêvée. Tu vois, Julie, c'est la Citroën DS4, le petit appartement, le chien à sortir pisser et l'enfant. C'est ça. Et on va au parc tous les dimanches. Voilà. Et là, le 24 soir, on a la messe. C'est ça. C'est la vie rêvée. C'est ouais, une bonne petite heureuse. Catholique, ma mémère. Hein. Ouais. Bon, alors, quand on dit ça, je suis heureuse. Arrêtez. Je veux me faire violer dans un placard. Moi. Je veux des émotions fortes. Un bâton pour Coué, si vous voulez. Non, Julie, j'en sais une vérité, enfin. Bon, Jessica. Oui. Tu vas appeler qui pour lui dire quoi? Alors, je vais appeler ma meilleure amie Julie. Pour dire que je vais épouser Stouff. Ah ouais. Attends. Mais t'es lesbienne à la base, ben, ou voilà, pas? C'est ce que je voulais dire. Ouais. Non. Tu vas lui dire que t'as rencontré une nana. Tu lui dis qu'elle bosse avec nous, elle voit des stars. Faut que tu te choc, racontes là. Hein. Elle voit des stars voilà, tout le temps. Voilà, je vais dire que je l'ai rencontrée sur Énergie, que je viens exprès sur Énergie pour la voir, tout ça et. Attends, on fait déplacer Stouff jusqu'ici, c'est tout un travail. Donc, c'est open, d'accord. Allez, ouais. On s'assied. Tit. On recule. Je peux dire voilà. Qu'elle a des gros seins, ça marche. Hein. Ah oui. Stouff, t'as des seins incroyables. Ah non, mais c'est vrai. C'est la journée de la femme. Mais c'est Blue d'or 90. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Blue d'or. Moi, je dirais, Stouff, je dirais 95D. Ouais. C'est ça. Fort pour ça, c'est dingue. C'est ça. Ah ouais, mais incroyable. C'est incroyable. Tu m'as toujours surprise avec ça. Ouais, je suis comme ça. Bon, allez, vas-y, t'appelles ta chérie. Après, Stouff prendra le téléphone et elle va être désagréable, d'accord? Ouais. On y va. D'abord, tu appelles Julie. Oui. Stouff, t'es en mode... hey, tu seras en mode connasse, Stouff. Oh, comme d'hab. Te force pas. C'est ça. Imagine-toi au standard, c'est tout. Allô? Oui, Julie, c'est Jessica. Ah oui, pourquoi tu m'appelles en privé? Bon, un souci avec mon portable encore. Ah. Mais bon, c'est pas pour ça que je t'appelle. Faut que je te dise quelque chose. Tu sais que depuis septembre, je vais très souvent sur Énergie. Oui. Et en fait, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Bah, c'est cool, tant mieux. C'est bien, non? Bah, je sais pas si tu vois qui c'est Stouff. C'est la standardiste. Stouff, la standardiste. Oui, c'est une fille. Non, je vois pas qui c'est, non. Mais je veux dire, y a pas de mec là-bas avec des meufs? Ouais. Bah non, bah tu sais, c'est Stouff, tu sais, celle qui bosse avec Koé là, qui est super belle, tu sais, qui a une très forte poitrine, qui est magnifique. Et j'ai kiffé sur elle, quoi. Il y a des stagiaires chez Koé, enfin il y a des mecs aussi, non? Bah ouais, mais bon, tu traînes avec ouverte et voilà, moi j'ai j'imagine que tu dois être ouverte, ouais. Moi je comprends pas comment ça se fait que je tombe amoureuse d'une meuf, quoi. Ah ouais, en fait t'es amoureuse, comme quoi, ça, c'est bon. Bah ouais, franchement, pour moi, ouais, je prends mon pied avec elle, sérieux, allez, je veux pas les détails, c'est bon, c'est dégueulasse. Au lit, c'est une tuerie, et franchement, je prends mon pied. C'est bien. Non, mais je veux pas de détails, après, je vais t'imaginer et tout. Vas-y, tu vas me faire vomir. Putain. Bah, c'est bon, tu. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. On est en 2016. Non, c'est clair. Ouais, il n'y a pas de souci. Je veux pas que tu me racontes les détails. Enfin, Jessica, c'est très bien, t'es avec elle, bon, bah voilà, mais tu me racontes pas de détails, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Oui. Attends, je te parle, Jessica, t'es avec qui au téléphone? Bah, je suis avec ma meilleure amie, justement. Super, pour tu pouvais pas trouver un autre moment pour me dire que quand t'es avec elle, en plus. Non, mais attends, attends. Bah... qu'est-ce que tu fous avec ta meilleure amie au téléphone, là? Bah, justement, non, mais sinon, je voulais lui dire que t'es plus jalouse. Hein, dis-lui qu'elle a ferme. Hein, Bah, non, mais justement, elle est jalouse, elle veut plus que je te voie, en fait. Attends, attends, passe-moi le téléphone, là. Allô? Oui? C'est qui au téléphone? Bah, c'est toi, t'es qui? Enfin, je veux dire, tu m'appelles, tu veux prendre le téléphone, tu veux me parler, tu dois savoir qui je suis, non? Et toi, tu sais pas qui je suis? Bah, apparemment, déjà, t'es une fouteuse de merde. Une fouteuse de merde? Non, je suis pas une fouteuse de merde, meuf. Bah, si, si, t'es là, déjà, tu veux qu'elle raccroche. Non, non, attends, attends, attends, je suis avec elle, on fait un truc tranquille, on est au calme, elle t'appelle, bah, et toi, tant mieux, apparemment, tu l'embrouilles. Et pourquoi vous m'appelez à ce moment-là, alors? Bah, j'en sais rien, celle qui t'appelle, mais là, pourquoi tu gueules, là? Bah, parce que tu m'énerves. Je t'énerve. Je te parlais à toi. D'accord, et tu sais pas qui je suis, du coup? Non, et puis, j'ai pas envie de te connaître, tu vois. Attends, attends, je t'arrête. Moi, je suis la standardiste de Koé, d'accord? Ah, c'est génial. Ouais, je connais plein de stars. Mais c'est merveilleux pour toi. Voilà, là je m'éclate avec Jessica. Attends, moi je suis pas une connasse. Si, si, t'as l'air d'être une grosse connasse, excuse-moi. Je crois pas, non, je crois pas, non. Si, si, je crois pas, non, je crois pas, non. Tu te prends pour qui? Non, mais je vais te monter en l'air, ferme-la tout de suite. Tu vas me monter en l'air? Bah viens, viens, on fait un plan en trois tout de suite si tu veux. Là je suis avec ta copine, on est tranquille, on fait des choses. Non mais c'est bon, ta gueule, c'est bon, c'est bon. Quoi, toi ta gueule? Non mais je rêve ou quoi? C'est bon, tiens, file la gerbe, c'est bon, ferme-la. Passe-moi Jessica, j'ai pas... Non, je te passe pas Jessica, pourquoi tu veux que je te passe Jessica? T'es jalouse ou quoi? J'ai pas envie de te parler. Déjà, tu voulais te la taper? Tu voulais te la taper ou quoi? Passe-moi, non, je te passe pas Jessica. Mais j'aurais voulu me la taper, tu crois que je me laisserais pas taper avant? Mais ferme ta gueule, sans déconner. Mais attends, attends. Ça fait des années qu'on se connaît, tu crois que... Ah ouais, je vais voir une photo de toi, t'as vu ta tronche? Bah, je vais bien la faire, moi, ta tronche. Comment tu veux qu'elle se tape une meuf comme toi, sans déconner? Passe-la moi, mène-toi. Non, je te passe pas Jessica, je suis tranquille avec elle, on fait des trucs. Dès que je trouve une meuf avec un meilleur pédigré, je te rappelle, d'accord? Ouais, c'est ça, vas-y, passe-moi Jessica, mène-toi. Ah, mais bitch, ta gueule. Mais comment tu peux avoir une copine aussi relou, Jessica, sans déconner? Non, mais, mais comment elle a pu tomber amoureuse de toi? Mais putain, mais... ta meuf, de toute façon, ça va pas durer, c'est sûr. Oh, comme t'étais bien. Ah, j'adore, j'adore. Sérieuse. Oh, là, là, j'adore. Comme t'étais bien. Je suis fan. Oh, j'adore. Oh, le beach, beach. Plage. Évidemment. Désolée, je suis pas comme ça dans Julie, la vie. Julie, Julie. Oui. Ça va, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Jessica, dis-lui que c'est pour rigoler et que tu sors pas avec Stouff. C'est pour rigoler, c'est pas drôle. Je sortirai pas avec une meuf comme ça. C'est pas drôle. Oh, bah, c'est sympa pour Stouff. Alors que Stouff, elle a des seins incroyables, tu vois, tu devrais essayer. Elle est magnifique, ouais. On se noie dedans, il y a des enfants, ils font du ils payent pour sauter dedans, comme dans les châteaux gonflables. Désolée, Julie. Mais ça doit être le fantasme de plein de nanas. Tu sautes sur un sein et t'en mets un sur l'autre. Moi, j'ai vu un enfant fin août, il est sorti, il a passé 2 mois dedans en vacances. Piètre, un bâton. Ah oui? Pourquoi? Bien joué, Stouff. Allez, bravo, à égalité avec ton coco. Bien joué, Stouff. Gros bisous, Jessica. Bravo, Julie. Qu'est-ce qu'elle gagne, Jessica? Une Galaxy Tab 4. Oh, qui explose dans ta poche, c'est génial. Gros bisous. Quand tu vois ce qu'un autre ça peut faire, alors une Galaxy, t'as plus de baraque. Mais c'est sympa, sinon on déconne. Ouais, bien beau cadeau. Faites gaffe quand même, hein, faites gaffe. Voici Zao. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ambiance est bonne, non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Laissez-les kouma. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave.

après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Bonjour, c'est Faustine Bollard. Le meilleur pâtissier est de retour avec un Cyril Lignac toujours aussi gourmand. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Une mercotte plus exigeante. C'est une catastrophe. Et 12 pâtissiers amateurs passionnés à vos marques. Prêts, pâtissez. Le meilleur pâtissier présenté par Faustine Bollard, c'est demain à 21h sur M6. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Devenu un frère, quand je marche avec lui, plus rien ne me frais. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, tu ne pourras le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Vous passez des rires aux larmes, la première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance, forcément y'a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende, si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet. Choisis le destin, c'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est à t'ultimer, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Tu ne pourras le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Saison 7 et ce soir émission spéciale Sial à nous. Hashtag nous les filles chez Koé. Voilà. Voilà, ça y est, c'est sorti. J'espère que tout va de votre côté. N'oubliez pas non plus que vous allez pouvoir vous inscrire au super jeu à gagner cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a des PS4 avec le jeu. Tu l'as sous les yeux, non? Moi, j'ai pas envie de le dire. Ah, d'accord, ok. C'est Warcraft, c'est un DVD. Warcraft, c'est ça, les DVD, un DVD d'un film. Mais il y a eu un jeu, non, Warcraft? Oui, à la base, mais surtout. Oui, mais c'est pas... Je me connais pas du tout, en fait. Bah, ça se voit. Je suis une fille, hein. Donc, vivement, vivement chérie FM, que t'offres des tricots, hein. Et des châles, et cette semaine, le numéro 1, et des abonnements à Marie-Claire. J'ai tellement froid en ce moment, les gars. Mais quel rapport? Mais j'ai froid. Non, mais excusez-moi, on tu est en train de tricot, j'ai froid. On est en train de parler d'un truc. La meuf, elle est à l'ouest sur les jeux vidéo. Elle parle de DVD. La seule réplique, c'est mais j'ai tellement froid. Oh. Parce non, que tu parles de tricot, donc Julie, je dis j'ai froid. C'est quoi cette participation? On ferait une émission de télé, on ferait un truc. Alors les chiffres de la politique. Oh non, j'ai tellement froid. Ah non. Alors Monsieur Sarkozy, pour sauver la France, vous pensez à quoi? J'ai tellement froid. Non mais enfin Julie, non, c'est pas une excuse. J'ai tellement froid. Bah j'ai froid, voilà. Mais un double. Habille-toi. Ouais, ouais, je sais pas. Tu mets tes épaules découvertes. Oh, je suis pas bien en ce moment. C'est ouais. Pénible. C'est Erika, est-ce que tu vas bien en ce moment? On va prendre des nouvelles d'Erika. Ça va super, je suis avec vous. Ça va trop bien. Voilà, voilà quelqu'un qui est positif. Tu vois Julie, oui, t'es avec nous tous les jours. Tu ne te rends même plus compte de ce qu'il y a de bien. Mais vous, c'est comme vous quelqu'un vous qui a la chance de manger des petits homards ou des machins trucs, qui se rend plus compte. Il se rend plus compte. C'est vrai, à force, ouais. Et là, tu sais quoi? Tu t'es habitué au caviar, Julie. Ouais. Mais vous, c'est pareil. Quand tu vas revenir aux œufs de l'ombre, ça va te faire tout bizarre. T'es avec une équipe de beaux gosses, tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu vas voir quand tu vas revenir avec des laidrons. Hein. Bon, en attendant, Erika pour le super jeu. Oui. Erika. Oui. Tu vas piéger qui? Ma copine Émilie. C'est ça, vous le connaissez depuis longtemps? 10 ans. Sachant qu'Émilie a un très joli surnom, très élégant, puisque c'est. Zézette. C'est tellement mignon, Zézette. Pourquoi Zézette? Mais je sais pas, l'autre fois j'ai voulu l'appeler, mais j'ai fait oh Zézette, tu viens? Et puis voilà, c'est resté. C'est comme notre stagiaire. Ah, c'est trop mignon que tu m'appelles Zézette. Allez, on y va. Donc il paraît que souvent, elle te demande de garder son fils le week-end, c'est ça, mais elle a l'impression non. que ça. Non, qui demande? Non, c'est moi qui lui donne mon alors, fils à garder. Alors, les amis, quand vous me faites la description, mettez les prénoms, parce que c'est deux filles, le L lui demande, je peux pas savoir qui c'est demande. C'est de ma faute, effectivement. Toi, c'est vraiment parce que c'est la journée de la fille. Je te alors, elle assume, elle en a rien à foutre. Ouais, elle sait qu'elle ne risque rien. Ouais, elle a l'immunité Koh-Lanta. Elle est tranquille. Là, je m'en tape complètement. Voilà. Donc, tu lui demandes de garder ton fils régulièrement, c'est ça? Mais t'as l'impression que ça la saoule un peu. Ouais. Il y a 3 mois, Erika, elle a pété l'arrière de la voiture que tu lui avais prêtée. T'as pété la voiture. Non, c'est la sienne. J'ai pété sa voiture à elle. Non, fais pas exprès non plus. D'accord. T'as fait marcher l'assurance, c'est ça? Mais ça met du temps pour le remboursement. C'est non. Ça, ouais. Elle, tu as dit. Non, c'est elle qui a fait marcher. Oui, non, je te fais marcher. Ok, donc il paraît que tu taquines beaucoup son copain Frédéric. Ouais. Et visiblement, Émilie fait la gueule que tu le taquines, genre en quoi? En jalousie? Oui, un petit peu, ouais, je pense. Bon, et il paraît qu'elle aime pas qu'on la charrie sur son poids. Non. Elle a grossi ou pas? Non, elle a pas pris grand chose, ouais, mais si, elle a l'impression d'être très. Non, elle a l'impression d'être énorme parce qu'elle a eu un deuxième enfant, puis elle a l'impression d'être énorme, mais elle c'est pas pris vrai. Combien? Elle a pris 20 kilos. Non, alors même pas. Les 5-6 kilos. Ah, ça va. 5-6 kilos après une naissance, c'est pas fou. Hein. Ah oui, il y en a qui prennent beaucoup plus. Ah oui, je regarde la télé hier. Bon, alors voici. Et il paraît qu'elle a peur de vieillir. Oui. C'est ça. Voici les 5 phrases à dire à ta copine. Bon, l'assurance est trop longue, donc ne compte pas sur moi pour te rembourser. Tu garderas plus mon fils, t'as une mauvaise influence sur lui. Très bien, ça. Très bien. Frédéric, n'arrête pas de me dire que t'es hypocrite et je me rends compte que c'est vrai. Tu profites de moi, en fait, t'es jalouse de moi parce que toi, t'es qu'une grosse ridée. On attaque sur les deux fronts, là. Ouais. Ride, le poids. Et, le poids, ouais. Et la dernière, tu sais quoi, va te faire foutre. Le grand classique, ça marche toujours après Fifth Harmony, ma chérie. Oh, j'adore celui-là. Je trouve que d'ailleurs, depuis, c'est dur de faire aussi bien. Hein. Elles seront nos invités dans quelques jours, les Fifth Harmony. Si le nouveau, il est bien aussi. Ah, mais ça, c'est énorme, ça. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. Just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. wanna do. And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because. I don't like it too soft. I like it a little rough. Not too much, but maybe just enough. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Coé, 19h-22h sur Énergie. Ouais. J'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Ah, bonjour madame. Salut Coé, salut toute l'équipe. Elle était magique, encore vous. Salut Coé, salut toute l'équipe. Ça va Erika? Pas toujours, oui. Bon, Erika, pour cette journée de la fille, oui. Erika, oui. Tu vas t'occuper d'une copine, puisque c'est donc une jeune fille qui fait un super jeu à sa copine. Redis-moi les 5 phrases que tu vas lui dire. Alors, bon, l'assurance est trop longue, donc compte pas sur moi pour la te rembourser. Tu garderas plus mon fils, t'as une mauvaise influence sur lui. Frédéric n'arrête pas de me dire que t'es hypocrite et je me rends compte que c'est vrai. Tu profites de moi, en fait, t'es jalouse de moi parce que t'es une grosse ridée. Et tu sais quoi? Bah, va te faire foutre. Très bien. J'ai envie de dire très bien. Oui. C'est très très bien. Très très très très bien. On appelle ta copine, sois bonne, d'accord? Oui. Allez, on y va. Après, on verra ce que je suis. Bon, je vais voir. On y va. Mon téléphone sonne. Allô, oui. Allô, Zézette? Oui, coucou, Erika. Ben, c'est toi, tu m'appelles en anonyme, c'est nouveau, ça? Ah, c'est parce que j'ai un nouveau téléphone et j'ai pas activé le numéro. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je me demandais qui c'était. Non, non, mais pas de soucis. Tu vas bien? Ben, écoute, super. Écoute, je me permets de t'appeler parce que j'ai une petite question. Je voulais savoir si la dernière fois que tu as gardé Aurélien, il y a eu un souci. Un souci, Ira. Bah écoute, depuis qu'il est revenu chez toi, il est arrogant, il me répond, il fait passer de voir, je sais pas, il y a eu quelque chose, il s'est en disputé avec Antoine ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah pas du tout, non, bah tu sais, moi avec Aurélien tout se passe super bien. Après, ouais, c'est un ado, hein, tu sais, il grandit, tu sais ce que c'est les ados, hein, il y a un moment, il commence un peu à répondre et tout, mais non, franchement, il reste mignon, Aurélien. J'ai rien à dire le concernant, non, franchement, non. Non, il n'y a pas eu de problème avec moi. Parce que franchement, justement, c'est rare, il n'est jamais comme ça. Donc je suis en train de me dire que bah tu garderas plus mon fils parce que tu as une mauvaise influence sur lui. Pardon? Tu blagues? Tu sais, en fait, Frédéric, il n'arrête pas de me dire que t'es hypocrite, et ben, en fait, je me rends compte que c'est vrai. Frédéric te dit que je suis hypocrite, mais ça va pas. Bah oui. Mais ça va pas, attends. Attends, parce que j'ai dû passer une journée de merde, là, je... Attends, bouge pas. Fred, on parle bien du même Fred? Bah oui, le tien, Fred, il n'y en a pas 36, hein. Il t'a dit que je suis hypocrite. Non, mais attends, Erika, attends, je ne faut pas qu'il m'énerve. Je vais... Franchement, t'as pas choisi le bonjour pour m'appeler, là, parce que... Voilà, bon. Franchement, hypocrite, excuse-moi, mais il me semble bien qu'il y a 3 mois de ça, c'est toi qui as bousillé ma voiture et pas le contraire. Et j'attends toujours que tu me payes. Donc, excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un qui est hypocrite dans l'histoire, c'est peut-être toi, mais pas moi. C'est quoi le délire? Non, mais c'est bien que tu reviennes là-dessus, parce que justement, J'ai un petit problème encore en plus avec ça. C'est que bon, l'assurance est super longue, donc compte pas sur moi pour te rembourser parce que pour l'instant, je peux pas. Compte pas sur moi pour te rembourser. Non mais attends, mais même si c'est pas l'assurance qui rembourse, c'est à toi de payer. Je t'ai prêté ma voiture, tu me l'as bousillée. Mais y a pas une galère actuellement avec une voiture à la maison. Tu vas. Non mais attends, il y a un moment, ça suffit quoi. Mais tu sais quoi, va te faire foutre. Quoi? Va te faire foutre. Putain, mais attends, t'arrêtes pas de profiter de moi. Je suis toujours là quand t'as besoin, mais la prochaine fois, tu te démerdes pour donner des cours de maths à ton gamin qui comprend rien. Moi, je passe déjà la journée avec des gamins qui captent rien. Non mais attends, mais tu te rends pas compte à quel point je suis gentille avec toi, mais il faut quoi de plus? Tu fais gentil avec toi, nourris, non, c'est quoi le délire? Tu rends service à mon fils. Mais attends, mais je suis toujours là pour toi. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et tu dis que moi je profite de toi, mais t'es folle. Tu profites de moi en fait, t'es jalouse parce que t'es une grosse ridée en fait. Mais ça va dire pas, que tu es malade. Mais t'as fumé non. quoi? Non mais t'as pris quelque chose. Mais non mais attends, c'est pas comme mon ça. Mon fils, il a vachement changé depuis qu'il est venu chez toi. Après tu me parles de ta voiture, on en a pas. Bah, il a changé, ouais, il a peut-être progressé en maths grâce à moi. Non mais attends, mais ça va pas non? Écoute, mais j'hallucine. Ma propre sœur, mon frère m'aurait fait ça, je les aurais mais déglingué, toi. Toi, t'es mon amie, je t'ai rien dit, t'es ma meilleure amie. Et qu'est-ce que tu me fais, là? Écoute, je suis ta meilleure amie, mais laisse-moi te dire que t'es énorme depuis que t'es ta deuxième gamine, quoi. Mais il faut que tu fasses quelque chose, franchement. Quoi? Mais ça va pas. Mais comment ça, je suis moi, énorme? Je te dis ça pour te rendre service. Il faut que Fred, il a envie de toi après le deuxième enfant, quoi. Il faut pas que tu te laisses aller. Mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Non, mais attends, mais Fred, il a envie de moi, mais tu te regardes pas. Mais quoi? Tu sais très bien que les kilos... Ça veut dire quoi, ça? Mais tu sais très bien que j'ai du mal à le vivre, mais qu'ils l'ont trop... Mais t'es horrible de me sortir ça, c'est pas possible. Mais écoute, je suis ta meilleure amie, il faut bien que quelqu'un te le dise, quoi. Si c'est pas moi qui te le dis, qui va te le dire? C'est pas Fred qui va te le dire, il n'osera jamais te le dire. Bah d'accord, mais enfin merci d'y mettre les formes. Non, bah attends. Ah ouais, mais écoute, tu m'énerves, là, depuis tout à l'heure, là, pour des... Je suis là, je te pose des questions et tu t'énerves, on sait pas pourquoi. Attends, tu sais pas pourquoi, ok, d'accord. Ok, attends, je vais me calmer. Bah écoute, c'est rien, t'as un gros cul, t'as un gros cul, si Freddy tape comme ça, c'est bien. J'ai un gros cul. Mais attends, là, tu veux vraiment que je te dise? Tu veux vraiment que je te dise? Je l'ai sur le cœur depuis longtemps, mais franchement, mais t'as pas honte? Ta vie, elle est naze, ma pauvre fille. Je suis con, mon sort. Non, mais allez, c'est bon, j'ai pas envie de partir là-dedans. Je pense non, mais attends, moi j'ai une vie sociale, on va pas partir là. C'est bon, non, mais on va pas partir là-dessus. Je pense qu'on va se poser, on va discuter. Je pense qu'effectivement, on a des choses à se dire. Mais non, mais là, c'est pas possible. Je vais dire des choses que je pense pas, ça va dépasser ma pensée. Gros cul, c'est bon, t'inquiète. On va discuter, gros cul, t'inquiète. Mais ça va pas. Oh, c'est bon, tu te calmes, mais d'où tu me parles comme ça, merde. Oh, mais écoute, ma gueule, ça a toujours crié, là, depuis tout à l'heure. À chaque fois que je te dis quelque chose, tu cries. Mais t'as vu ce que tu me dis, merde? T'en trouveras, mais... t'as des amis qui sont toujours là pour toi, comme moi je le suis, franchement. Mais là, je suis là pour mais toi, d'où je te mets la vérité en face. T'es une malade, sérieux, hein, franchement. Ça tourne pas rond aujourd'hui dans ta tête là, hein. Bon allez, vas-y, vite ton frère, dis-moi ce que t'as sur le cœur, vas-y. Excuse-moi, non mais là c'est pas possible. Non mais vas-y, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Quoi? Dis-moi ce que t'as sur le cœur, vas-y, allez, à vous. J'écoute. Mais ta vie elle est minable, ma pauvre fille. Si t'as besoin, t'es même pas toi capable d'aider ton fils qui est au collège en maths, franchement, t'es même pas foutu de lui donner des cours, de l'aider. C'est à moi que tu demandes. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux bien en profiter, non? Ah oui, en profiter, bah ça t'en profite bien, ouais, bah dis-toi bien que c'est terminé. De toute façon, je déménage, là, tu profiteras plus jamais de rien. Je crois bien que de toute façon, notre amitié, elle est pas encore finie, mais On est en train de discuter avant que tu partes, hein, parce que là, franchement, on pourra pas rester comme ça, hein, c'est pas possible, avec ce que tu me dis quand même, et que mon fils est nul, non, je peux pas accepter ça, excuse-moi. Hein. Mais j'ai plus rien à te dire, ma pauvre fille, mais attends, mais qu'est-ce que... Non, mais attends. Il y a eu, à un moment donné, une alerte à la voix insupportable. Hein. Oui, un peu, hein, il y a eu un moment carrément. C'est vrai, et je me suis rappelé qu'elle était prof, donc je me suis dit tiens, c'est normal, c'est oui, normal. Oui. Il y a un truc qui a l'air normal. Allô? Ça match. Allô, oui. Et c'est quoi cette sonnerie que j'entends toujours, ce dring? Je sais pas. C'est toi? C'est Loris. Allô? Mais c'est quoi depuis... Attendez, excusez-nous, mademoiselle. Il y a depuis le début de l'émission un truc qui fait dring. Comme une sonnerie de vélo. Sur les touches. J'ai entendu. Non, les amis, vous êtes rigolos. C'est tellement cruche. Non, c'est pas vous. On arrête le gag. Non, Erika, tu m'expliques là, c'est quoi le délire? Je suis seule avec les enfants, toi, j'ai pas le temps. Là. C'est quoi le truc? C'est vrai que t'as une voix assez insupportable, Erika. Émilie, pardon. C'est vrai qu'elle a une voix assez dure. Hein. Elle a une voix de. Je vous avais demandé de faire une interro, vous n'avez pas pris vos copies. C'était pour Isabelle qu'on l'a dit. Les élèves. C'est vraiment en même temps. Ah là là, c'est dur. Je m'appelle Coé, Émilie, on est sur Énergie. C'était une blague, tout ce qu'elle t'a dit, c'était faux. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est faux. Tu n'as pas un gros cul. Non, pardon, si pardon, ma chérie. Ah, elle nous l'a dit avant, mais. L'a dit avant. Mais voilà. Mais voilà, tu n'es pas comme ça. Tout ce qu'elle est désolée d'avoir cassé l'auto et tout et tout et tout et tout. Ouais, là, ça c'est vrai, ouais. Mais elle a dit qu'elle t'appelait Zézé. Bisous. Je joue, là. Milly. Oui. Travaille cette voix. Oui. Je t'en supplie, fais un effort. Propose sur toi-même. Un peu. Travaille les graves. Travaille. Ouais. Fume. Au niveau des aigus, t'as ce qu'il faut. Va dans les graves un peu de temps en temps. C'est bien aussi. Je demandais à mes élèves d'arrêter de me faire crier aussi. Ils ont quel âge tes élèves? D'habitude, c'est pour ça. C'est des collégiens. Ah ouais. Ah, c'est les pires. Et puis ils en ont rien à foutre des maths. T'as vu, c'est fou. C'est vrai. Hein. À cet âge-là, imagine quand t'es prof de latin. Ils en ont rien à foutre. Ils m'ont gavé aujourd'hui. Je te fais un gros bisou, Erika. Je t'embrasse aussi. Je vous fais un bisou. Pour les prochains super jeux, il y avait quoi à gagner, Julie? Une PS4 et le DVD de Warcraft. Oh, c'est bon, ça. C'est gagné pour Erika. Voici. Qu'est-ce qu'on écoute? Sia. Oh, Sia. Ouais. Dans la série aujourd'hui, on ne diffuse que des filles dans notre émission. C'est normal. Kiri, Sari au premier rang. Écoutez-moi, j'ai dit Sia, c'est Sari. J'ai pas aucun rapport. Uh-oh, want another breath, but I, oh, I got stamina. Uh-oh, run and I close my eyes, but oh, I got stamina. On en parlera tout au long de l'émission. On se fait une journée spéciale avec que des filles, que des filles, que des filles, que des filles. Oui, mais la petite journée de la fille dit aussi un petit. C'est pas la journée de la femme. Non. Je dis bien, c'est autre chose. Oui. C'est la journée de la fille. On va faire la journée de la blonde, la journée de la brune. Pour prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de jeunes filles dans le monde, parfois sont mariées de force, bien avant l'âge de 18 ans. C'est bien de faire ce genre de journée, parce que sinon, je pense qu'il y a plein de gens qui font pas attention et qui disent nous, on vit bien. Et qui n'en parlent pas surtout. Mais ça n'empêche qu'on peut être quand même d'une légère galanterie. Ah oui. Oh. Julie, petit bouquet. Mais non. Ah si. C'est vrai. Tu vois, c'est pas ton mec qui le fait. C'est aussi la journée de la vieille. Oh là là, j'adore l'idée. Guéguette, un bâton. Mais quoi? C'est aussi la journée de la vieille, il a dit. Un bâton. Un bâton, non. Un bâton. Ah là là. Tiens. Voilà. Oh, t'es debout là. Elle est marrante debout, on dirait le mec de Game of Thrones. Allez, bisous. Merci, ça fait plaisir. Tiens, vas-y, voilà. Stouff, Oh, celui-là, il va être beau, celui-là. On va faire un bisou à Pollen Fleur, ils sont dans le 16e, ils sont à côté de chez nous. Ah ouais, Georges. Ah, tu les as pas achetés eh. À Georges hein. Non, bah non. C'est mon petit ouais, mais fais le vent du rêve. Hey, la dernière fois que ton chéri t'a offert des fleurs, c'était quand? On était encore en France. Heureusement que je suis là. Oui. Heureusement que je suis là. Voilà, voilà. Coucou, il y a pour tout le public. Hein. Mais il y en a. Mais non. Les filles. Hein, les filles. Les filles. Eh, regardez, regardez ça, regardez ça. Non, mais c'est pas vrai. Si, si, on a décidé mais d'être. Mais vous êtes trop mignons. Bah, bien sûr que oui. Regardez, voilà. Ah, vous êtes trop chou, les gars. C'est beau. C'est ce moment est pour le CSA pour montrer qu'on respecte les femmes bien plus que vous ne l'imaginez dans cette émission, messieurs de la Tour d'Ivoire. Par contre, faudra les rendre les bouquets une fois qu'on aura fini de filmer. Oui, parce qu'ils sont consignés. Voilà, voilà, voilà. Tu sais quoi? Tu devrais me le mettre dans le nez aussi, le micro. Pendant que j'avance. Le mec, j'avance, il est comme ça. Il fait, vas-y, parle. Aïe, putain. Il a pété une dent. Tiens, ma chérie. Voilà. C'est trop mignon. Les filles. Hop, regardez. Voilà. Tiens. Ah, c'est dommage, toi, il n'y en a plus. Bon, voilà. Mais si, il y en a encore plein d'autres, c'est comme ça, ça nous fait plaisir. Gros bisous. Ouais. Fais un bisou. Non, t'es pas une fille. Voilà. C'est kiffant quand même, non? C'est notre petit truc. Et hey, vous les oubliez pas bon. Là. Hein. Ah non, non, on les emmène. Vous les oubliez pas là, les filles, vous les mettrez dans des pots de fleurs et tout, avec de l'eau et tout. Hein. Ah ouais, ouais. Pas laisser mourir les fleurs dans un non, coin, non, hein. C'est important. Laisser mourir. Vous avez vu, bah, moi ça me fait plaisir de faire plaisir. Et vous entendez les bruits du public? Vous entendez le. Oh, même les petites filles, c'est trop mimi. T'as vu, les petites filles, c'est dans leur bouquet de fleurs. C'est mignon. Ça va, les filles? Oh, voilà. C'est comme ça, nous, ça nous fait plaisir de faire plaisir. Ah, c'est très gentil. J'espère vraiment qu'on a dealé le truc, parce que si la facture arrive, je vais pleurer. Ah, c'est plus cher, les bouquets. Je peux re-remercier, s'il te plaît. Tu me garantis? Oui. Je vais les re-remercier. Je vais re-remercier Georges de Pollen Fleur, Paris 16e arrondissement, avenue de la Grande Armée, c'est ça? C'est ça, je crois, oui. Merci, Georges. Parce que s'il faut payer, j'appelle ces télébris. À tout de suite. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louel. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non, non, non. Pour nous. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2016, le 12 novembre. Anyway. En direct de Cannes sur TF1 et Energy. Hit music only. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr sous conditions de réservation. Bonjour, c'est Faustine Bollard, le meilleur pâtissier de retour avec un Cyril Lignac toujours aussi gourmand. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Une mercotte plus exigeante. C'est une catastrophe. Et 12 pâtissiers amateurs passionnés à vos marques. Prêts, pâtissez. Le meilleur pâtissier présenté par Faustine Bollard, c'est demain à 21h sur M6. Gagnez votre super séance énergie pour Doctor Strange, la nouvelle production des studios Marvel. Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt? Connectez-vous dès maintenant sur energie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film juste pour vous et vos amis. Vous mourrez en protégeant ce monde. Doctor Strange, au cinéma le 26 octobre avec énergie. It's music only. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Warcraft, le commencement. L'adaptation du célèbre jeu vidéo en Blu-ray et DVD. La Horde et l'Alliance s'affrontent dans un déluge d'effets spéciaux et de batailles spectaculaires. Nous protégerons le royaume. Choisissez votre camp. Warcraft, le commencement en Blu-ray et DVD. Avec énergie. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter V et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games, play again. Jouez encore. Jeu jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. En partenariat avec Alcatel et sa gamme Idol 4, livré avec un casque de réalité virtuelle offert. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le pack de 9 paquets de granola au chocolat au lait, mes biscuits préférés. 50% de tickets Leclerc. C'est énorme. Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le pack de 9 paquets de granola chocolat au lait de 200 grammes chacun est à 9,47€, soit 5,26€ le kilo, avec en plus 50% de tickets Leclerc. Point modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15 sur Énergie 12. Slimane. Si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors. Slimane, son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Avec aujourd'hui du public de partout, des filles, des garçons, des jolies filles, des mecs pas très beaux mais sympas, hein. avec un peu de tout, et des demoiselles qui m'ont offert, merci pour m'aider dans mon régime, hein, ouais. Qui m'ont offert des M&M's et des célébrations. Ah, et en loin, plus, mais... elles tombent juste parce que c'est les deux trucs, tu sais que chez moi, vous avez vu la dernière fois chez moi, j'ai rempli des bocaux de bonbons, de schtroumpfs, de soucoupes volantes et tout, vous avez ouais, vu ouais, ouais, on si a vous vu. Avez vu que j'y touche pas. Oui, on a ah, vu. Mais nous non plus, on n'avait pas le droit d'ailleurs. On n'avait pas le droit. Si, vous rigolez, vous avez mis les pots devant vous, vous avez mangé. Ouais, ouais, c'est allez, vrai. Je fais partager mon pécule. Ah, ah oui. Donc, attention. On a fait des gestes. On a Mika. Ça oui. Va, mon Mika, t'es en forme? Ben, je suis en train de me cailler, mais ça va. Ah oui, il est en train de se cailler parce que monsieur est en tenue, il a oublié de vous dire et lui, il nous a prévenu juste à l'instant. Comment es-tu habillé? Alors, en cette journée de la fille, voilà, eh ben, je suis en peignoir devant l'école de la gagnante du jour. Mais c'est pas parce que c'est la journée de la fille que t'es en peignoir, c'est quoi ce thème? C'est pas la journée de l'obsédé sexuel? Que j'allais dire. Non, je t'explique. En fait, voilà, elle a gagné parmi tous ses lots un ensemble bien-être. Voilà. Ah un abonnement bien-être. Puisque dans la box, on est inclusive grâce à la Société Générale, je réexplique, vous pouvez choisir ce que vous voulez à mettre dans votre box. Eh, qu'est-ce qu'elle a choisi, elle, exactement, cette demoiselle? Elle a une déco sur mesure. Combien pour combien? 1000 euros. J'ai pas le montant. 1000 euros. Nous, on les a, nous, on les a. Quoi d'autre? Elle a un multicuiseur intelligent et connecté. 1200 euros. Oh putain, Sarah, attends, stop. C'est le fameux. C'est le fameux. Le multicuiseur connecté, 1200 euros. Il est connecté avec qui? Les chefs du monde entier? Mais non, mais c'est le truc. Tu mets les ingrédients. Mais ça coûte pas 1200 euros. Si, ça coûte 1200 euros. 1200 euros, ouais. Vous êtes sérieux? Tu mets les ingrédients, tu mets la recette, ça cuit tout. C'est pour tous les gens qui savent pas cuisiner. Ouais, c'est génial. C'est pour les feignasses. Tu mets la clé USB, il part tout seul, il va faire les courses. Ouais, il revient. Ah, ça serait bien encore. 1200 euros. Ouais, ça coûte ça. Non. Je crois que tu peux commander tes courses d'ailleurs dessus. Non. Pour de vrai, pour de vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, je sais pas si c'est celui-là, mais il y en a un où t'as un écran, tu peux commander tes les courses. Amis, excusez-moi, c'est ça qui me vaut, moi. Ah bah toi, oui, clairement. Ah, ça y est. Tu mets les trucs, tu prends ta clé USB, tu mets dedans, t'as juste à mettre les ingrédients et ça te fait tout seul. Oh, je sais ce que je vais acheter à Noël. Ah, ça y est. Mika va s'offrir son cadeau. Hey, Mika. Oui. Fais-le disparaître de sa boxe. Elle le verra pas s'il y a un truc en moins. Et tu lui mets un batteur à la con à la place. Tu lui mets un batteur Seb, un truc pour battre les œufs. Qu'est-ce qu'elle a commandé d'autre? Un an de carburant, elle a. Ah, 1800 euros. Un an de course. 2600 euros. Ah, c'est marrant parce que la fille, elle est dans les trucs pratiques, quoi. Bah tu sens que c'est l'étudiante qui se. Hein. Quoi d'autre? Et un budget électroménager. Combien? 1990 euros. En fait, elle veut ouvrir un Darty, c'est ça? Ouais, le truc. En fait, c'est ça. Elle s'appelle. Elle se met bien. Comment elle bien. S'appelle? Elle s'appelle Natacha. Elle est encore en cours du soir, Natacha. Vas-y, va la voir. Et t'es dans quelle région de France? C'est ça. Et nous sommes à Caen. Et nous sommes donc. J'ai réussi à rentrer dans son école. Où nous sommes à l'ESPE. C'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Voilà. En plus, eh oui. Elle veut être prof. Alors l'esprit. Attention, je rentre dans la salle, j'arrive. C'est de Caen, hein, parce qu'il y en avait un lapin avant, mais l'esprit de lapin, c'est ça, faisait moche. C'est ça, Caen. Je l'ai vu au loin, elle est en train de réviser ou de travailler avec une fille apparemment. On va voir. Je suis en peignoir, c'est la honte. Bah oui, mais c'est avec autre chose aussi, mec. Ouais. C'est elle qui a pris t'aurais un bien-être. T'aurais dû t'habiller en cocotte minute. Et un mec en peignoir. Mais non. Allez, gens scolaires. Un mec en peignoir, ouais. Il y a des chances qu'ils appellent la police dans un moment. Ouais, j'avoue, fais vite, hein, parce que. Attention. Ah, tu tapes, quand même. Bonjour. Elle est morte de rire. Alors, elles sont deux. On dirait le début d'un porno. Bonjour, Natacha. Bonjour, madame. Je viens pour nettoyer notre cuiseur. Elles sont sans voix. Bah, présente-toi en même temps, parce que le gars, il arrive, tu sais. Vas-y, présente-toi. Bah, si c'est possible. Bon, bah, je suis Mika. J'ai l'équipe de Koé, je pense que vous avez deviné. Voilà. Pourquoi je suis en peignoir? C'est une bonne question. Oui, c'est pas non plus, il a oublié lui-même, je crois. Non, je vais vous expliquer pourquoi je suis en peignoir. Mais attends, tu es nu sous le peignoir? Oui. Non, quand même. Ah, non, dans une école, Julie, merde. Ah, je sais pas, il y a un peignoir. Mais non, enfin. Je risque de me faire virer, mais bon, on sait jamais. Vas-y, dis-lui qu'elle a gagné. Vas-y. T'es un peu choqué là, mais. T'es choqué? Oui. Donc, le gars, il est trop content. T'es choqué? Je te choque. Voilà. Mais hashtag Mika. D'une valeur de 9 220 €. Hashtag Mika, t'as choqué. Je suis choqué. Allez, bravo, mademoiselle. 9 200 €. 9 200 € de cadeaux dans sa box. C'est elle qui avait choisi. On a été tourné, on a été tiré au sort. On lui a amené directement à la maison. C'est quoi le prénom? Natacha. Ça va, passe-la moi. Natacha. Elle est là. Oui, je suis là. Salut Natacha, comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va, on est un peu choquée là. Mais... Natacha, t'es choquée. Elle est choquée. Natacha, choquée. Elle est trop choquée. Natacha, on voulait te dire bravo. On est très content. On a vu tout ce que t'as demandé. T'as demandé un an de course. T'as demandé. Donc, qu'est-ce qu'elle a demandé d'autre? Un an de super. De bien-être. Ouais. Ton cuiseur à 1 200 € là. Ouais, hein. Ah, bah, elle va nous dire s'il fait les courses. Eh, 1 200 €, ça coûte un bras l'autocuiseur connecté. Ah oui. Bah, tu sais que t'as demandé ça. Tu sais que tu l'as. Bah oui, maintenant oui, je m'en rappelais plus, mais. Je m'en rappelais plus. J'en rappelais plus, j'ai mis ça dans le truc. T'aurais pu l'enlever. Ouais, j'aurais pu le gauler pour moi. Putain, j'aurais dû lui dire. J'aurais gardé pour moi. Moi, je te fais un gros bisou. Par contre, il va falloir appeler la police pour le monsieur qui est en peignoir, on ne sait pas qui c'est. Mais non, justement, le meilleur arrive. Pourquoi? Ah, parce que je le réserve. Attends, en tant que journée de la fille et comme elle a commandé un bon bien-être, je lui réserve un petit massage. Ah, mais comment il se place bien lui à chaque fois? Eh, dis, oh, je vais la masser. En fait, il se fait une meuf dans chaque ville. Mais mec, t'es sérieux? On t'a pas envoyé à Caen pour que t'ailles masser une auditrice? Bah, je suis pas en peignoir pour rien. Oui, mais tu sais que les masseurs dans les centres, ils sont pas en peignoir. C'est les gens qui sont massés, ils sont en peignoir. Elle est célibataire ou pas? T'es célibataire, ma chérie, ou pas? Oui. Ah, j'ai envie de dire, amusez-vous, massez-vous, c'est la journée de la fille. Ouais, c'est ça, bonne soirée. Hein. Bah voilà, on va se calmer. Continuez de vous inscrire. Ah, allez, ça a commencé, on va se calmer, monsieur. Enlevez vos mains, s'il vous plaît, fermez votre peignoir. A bientôt, mademoiselle, je t'embrasse, Natacha. Bah, merci beaucoup, merci Koé, merci la Cité Générale. Ouais. Merci Énergie. Ouais, on a tous bossé. On aura le défouloir des filles tout à l'heure, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez, c'est vous, c'est votre journée. Voici Shakira avec le truc bien, pas la bicyclettasse. Hein, le truc quand c'était bien, quoi. Bienvenue tout le monde. Oh, bah, Loca. Vas-y, Loca. J'adore ça. La bruta pa' cotizarse conmigo en frente. Ya se hizo la gata en celo contigo. Te cotorré al oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Tú sigue tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, sube al lado mío. Yo de aquí no me voy. Sé que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometí. La culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con. Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya, mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Coué, 19h-22h sur Énergie. Dans quelques jours, jeudi, tu auras Souf. T'as kiffé ce moment, Zara Larsson, c'est joli. Nobody sees and nobody knows. C'est vrai que les vacances de la Toussaint, c'est bientôt, c'est quoi, dans 10 oui, jours? Oui, oui. Ça commence le 19 octobre. Et bien le 19 tout pile, on sera en live du Parc Astérix. Ouais. Si vous voulez être avec nous, vous allez kiffer ce moment-là au Parc Astérix. Mmh. Vous allez vraiment, et vous serez avec nous la journée. Et le soir, on aura l'émission avec nous. Comme invité, on aura Black M qui sera là. Il va venir faire le show. J'aime bien cette chanson. J'aime bien. Efficace. C'est un peu à l'ancienne ou je rêve le son mais c'est le son. Mais les amis. Ouais. Mais on est revenu sur le son à l'ancienne. Mais les amis, Jules, écoutez les morceaux de Jules. Bah c'est oui. Des bases des pieds à l'ancienne, avec 90. Ouais, ça y est, on y est là. Ouais. C'est, on est revenu dans tous les trucs, machin et tout. T'es mon bijou. Oui, Estelle. Oui. Salut ma chérie, comment ça va Estelle? Bienvenue chez nous, t'es en forme? Bah écoute, en forme et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, je trouve que ça va très très bien. Hier, j'étais très très malade. Aujourd'hui, je suis encore c'est un peu malade. Pêche aujourd'hui. Et hein. J'ai une patate médicamenteuse. Hein. C'est-à-dire, je vais être honnête avec vous. Je suis dopé de médicaments. Hein. Ce matin, j'ai pris des médocs, je vous assure. À la fin, c'est comme si j'avais pris un petit déj. Tellement j'en avais, ouais. J'en avais des tonnes ce matin. J'ai tout pris, les antibiotiques, la cortisone, le machin, les trucs. Mais là, bam, résultat. T'as vu le mec? Ouais, mais fais gaffe parce qu'à 22h05, tu retombes d'un coup. Quand même, mais je suis bien là, je me sens bien. Alors que j'étais pas bien du tout. Monsieur Coé, je me présente, je m'appelle Estelle, j'ai 20 ans, est-ce qu'on parle bien de toi? Oui, c'est moi. Tu peux rester. Je suis actuellement en commerce en alternance, plus précisément. Voilà, je me permets de t'écrire car je souhaiterais parler à ce jour de la Journée internationale de la fille, d'un sujet qui me touche beaucoup et qui me révolte à la fois. Dans ce sujet-là, j'aurais voulu parler du travail domestique, de l'éducation des filles en République dominicaine. Oh, c'est pointu l'histoire. On en parle maintenant ou après? C'est là, on a le temps là. Maintenant, Julie. Après. Maintenant, tu peux maintenant. Non, on peut, on a le temps. Vas-y, explique-nous, alors, c'est pointu ça. Alors, ben, en fait, j'ai vécu en République dominicaine plus de 7 ans. Mmh. Et, ben, voilà, on sait tous que la République dominicaine, c'est un pays par excellence du tourisme. Mais ce qu'on ne sait pas derrière, c'est qu'il y a énormément de petites filles qui sont maltraitées. Ouais. Et d'ailleurs, ben, j'ai connu deux petites filles haïtiennes. Étaient victimes de ça. Elles étaient victimes d'infériorité et d'inégalité. Et elles m'ont expliqué qu'elles vendaient en fait dans la rue du popcorn. C'était elles qui le préparaient à partir de 6h du matin et elles restaient dans la rue jusqu'à minuit. Ah ouais. Elles étaient victimes d'attouchements. Mais de qui? Comment? Les attouchements de qui? Du popcorn. Les popcorn. Des attouchements, mettez un bâton à Guéguette pour ça mérite deux bâtons même. Pourri au milieu d'un sujet sérieux. Vas-y, très deux bien. Hop, voilà, on a mis quatre d'un coup. Oh là là, mais non, si, si, parce que ça, c'est bâton contre triple. C'est comme au Scrabble. Je suis d'accord. Excuse-nous, donc, mais touché par qui? Des passants. Par des hommes. Mais des hommes. Par des hommes, par des étrangers, pas par des dominicains, c'est ça le pire. Bah, ah oui, bah, c'est vrai que dans ces pays-là, il y a beaucoup de gens qui sont. On a vu les reportages sur M6 à chaque fois, effectivement, là-bas, ouais, ça dit, qui dit tourisme de masse, comme on dit dans les pays exotiques voilà, comme ça. Exactement. C'est passé dans tous ces pays, hein, globalement. Enfin, c'est triste, hein, mais. Le tourisme sexuel. Avec, ouais, avec les gamines locales. Filles, elles ont, ouais, mais sachant qu'elles ont 7, 8 ans. Enfin, je trouve ça. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Tu m'avais pas dit l'âge. 7, 8 ans. Voilà, 7, 8 ans. Quelle horreur! Mais moi, je sais jamais. Exactement. Moi, les mecs qui font ça, excusez-moi, tu les vois des gros dégueulasses, là, les vieux. Comment tu peux faire ça, sachant que t'as des enfants aussi et tout, c'est ça. 7, 8 ans, à la limite, les mecs, un jour, ils se font une aventure avec une nana, 17 ans et demi, disons, voilà, c'est moche, c'est tout ce que tu veux, mais voilà, ça devient presque, entre guillemets, une jeune femme. Voilà, c'est répréhensible, mais c'est une jeune femme. 7, 8 ans, c'est une gamine. C'est un enfant. Mais moi, je tombe là-dessus, je pense que le gars, je lui dévisse la tête. C'est oh là là, c'est bon, enfin là n'est pas le problème. Et donc la prise de conscience, c'est quoi? C'est de plus particulièrement de faire de se rendre compte que dans ces pays-là où la République dominicaine, il y a du tourisme et que... La prise de conscience, ça serait que déjà ces petites filles, elles soient scolarisées, ce qui n'est pas le cas. T'as raison. Parce qu'elles travaillent. Quoi d'autre? C'est les parents qui les poussent à faire ça. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum d'éducation. Ah ouais, mais là tu remets le sujet sur tous les pays qui sont très pauvres. Oui, bien sûr. T'as des pays où des gamins, moi j'ai vu un des documentaires d'un fois où des gamins trient des ordures dès l'âge de 7 ans, ils sont dans des dépôts d'ordures fumants là. Ouais. Pieds nus. Ou genre toi tu te coupes, t'obtiens, les mecs ils sont là, ils sont pieds nus là-dedans, c'est des détritus, c'est bourré de maladies et les mômes ils sont en train d'essayer de retrouver des trucs pour essayer de les revendre. T'as vu l'horreur. Les gamins qui descendent dans des mines dans certaines régions du monde parce que c'est les seuls à avoir la taille de pouvoir se rentrer dans des petits trucs pour tailler. Mais après il y en a plein des organisations. Et les parents les envoient bosser. Parce que souvent, il n'y a pas de quoi bouffer. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faudrait que ça vienne des parents, mais les parents, comme ils sont dans la misère, des fois, enfin après, voilà. Une que les enfants ramènent. Oui, voilà, exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les garçons, ce sont les rois dans la famille. Et les filles, c'est celles qui ramènent l'argent. T'as aussi les familles où les gamins travaillent aussi, ça dépend des régions du monde. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si tu mets l'école pour tous, ça va leur permettre d'apprendre des choses et de ne pas aller travailler. Mais pour ça, il faut que tu aies des parents qui se passent à côté d'un enfant qui travaille. Et qui d'un seul coup basculera en bouche à nourrir. Ouais. Et qui ramènera plus d'argent. Je sais que nous, c'est un truc qu'on a du mal à comprendre parce que chez nous, les enfants, c'est même plus tard possible. Maintenant, on trouve un boulot à 28 ans, oui, 29 ans. Mais il y a des régions du monde, un enfant, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a l'âge de 7-8 ans, il peut ramener de l'argent. Donc s'il ramène de l'argent, c'est ça où il bouffe pas. Oui, mais s'il veut ramener plus d'argent plus tard, il faut qu'il fasse des études. Mais Julie, les gens, ils pensent. Quand j'habite un bidonville où ton toit, c'est de la tôle, tu penses pas à plus tard, tu penses à demain. Tu penses à comment tu vas manger le soir. En fait, tous ces parents, ils aimeraient bien, quand tu regardes les reportages, etc., ils ont qu'une envie, ça serait que leurs enfants quittent ce bidonville pour aller faire des études, mais quand ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, quoi. Et puis nous, ça nous fait des Nike. Arrête, bâton, s'il te plaît. Tu mets un bâton, voilà. Bâton contre triple, vas-y. Oui, mais enfin, résultat, ils sont fatigués, ils montent mal les batteries, les Samsung explosent. Voilà. Donc, mets-moi un bâton pour Koé. Oui, mais j'ai pas totalement tort dans ce que je dis, n'empêche. Non, deux. Bon, mademoiselle, en tout cas, c'est gentil comme doux, et c'est vrai que t'as raison. Il faut, voilà, c'est aussi le but de la journée, c'est un peu de prendre conscience. On a parlé tout à l'heure du fait que beaucoup de filles étaient mariées de force avant l'âge de 18 ans dans le monde. Une fille sur trois dans le monde. Oui, j'ai vu ça. Une fille sur trois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on est encore au pays, on est encore au Moyen-Âge dans plein de régions du monde. Mmh. Elle a 16 ans ou elle a 14 ans. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il est marié pour que le mari ait de l'argent et du coup donne de l'argent à la famille. Il y a un peu de si t'es pas marié, t'es inutile vu que tu ne fais pas d'études. Donc comme tu ne fais pas d'études, il faut vite que tu te recases et que tu fasses une famille. Ça veut dire qu'elles sont plus ou moins violées ou en tout cas on abuse d'elles ou elles deviennent femmes à l'âge de 14 ans et demi. Elles sont des enfants tôt, à 15 ans. Enfin, c'est attends, tôt, quand tu vois des fois qu'il y en a qui se marient, j'avais vu l'autre fois à 9 ans une gamine. Mais je vous raconte même pas la suite de l'histoire. Sinon tu vas avoir des bâtons et ça va être moche. Malheureusement, ça fait partie des régions du monde comme ça et on n'en parle pas des masses, si ce n'est avec des journées comme ça. On est obligé d'organiser des journées comme ça. Heureusement qu'il y ait des journées comme ça de toute manière. Ouais, t'as raison. C'est vrai, ça fait du bien. C'est plus utile que la journée du hamburger. Ouais. Je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse. Bisous. À bientôt, Estelle. Hashtag #NoDéfis chez Koé. Vous faites tourner ça. À bientôt. Je t'embrasse fort. Voici celle qui sera notre invitée. C'est elle qui vient dans deux jours. Oui. La petite Zara Larsson. Elle fait toujours des photos sur son Insta. Je crois qu'elle s'est calmée un peu moins haute. Elle fait un peu moins haute. C'était mignon au début. Il y en a quand même. C'était foufou. J'aimais bien. Saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. Anne. Merci Julie. À la place de ça, on a un stagiaire rouquin qui prend de la protéine. Coé, 19h, 22h, sur l'IRG. Salut, c'est Guillaume, le stagiaire rouquin. Salut, c'est Guillaume, alors j'espère que ça va, t'es en pleine forme, mais protéine. Super motivé. Protéine, super motivé de faire de la radio, de la fonte. Tout faire, moi, vous me demandez de la fonte, fais n'importe quoi, moi. Tu veux pas venir faire du sport avec moi un matin? Comment un peu, combien tu pousses et tout, et on filme, tu vois. Tu fais quoi, toi? Vas-y, parle dans le micro. Tu peux parler dans le micro, ouais. Ouais, mais je m'en fous, moi, t'as des rouquins, moi, t'as pas dans le micro, moi, vas-y. Des dips, un peu. Quoi? Tu fais des dips? Mais quoi? Ça, c'est les trucs chez Quick, ça. Tu manges le fromage. Tu peux en avoir 7 pour 5 euros. Quoi? Toi, à la muscu? Parle dans le micro. Mais parle dans le micro, bordel. T'as un micro dans la poche, en plus. Effectivement. Oh, non, ouais, je sais. Tu fais quoi, toi, à la muscu? Ah, ça va être passionnant ce qu'on va raconter là. Mais je pousse comme ça. Ah, tu fais du DC? Je pousse. Tu fais combien au DC? Je tire comme ça. Puis c'est quoi au DC? Développé couché. Ah, il y a les termes techniques, attends. Ah ouais. En poids? Ouais. Ah, mais je fais pas du développement. Moi, je fais 10, 10, 20, 30. Et la barre qui fait combien? Ça fait une grosse 12 barre. Ça fait, ouais, ça fait. Non, 20. 1 kilo, ouais. Ça y est, on a voilà, fini de s'envoler sur le stagiaire. Ouais, on peut continuer une émission qui intéresse les gens ou pas? Allez, Stouf, ça va? Nickel. Bien fait l'amour hier ou pas? Non. Merci Stouf. Alors aujourd'hui c'est la journée des filles, donc les filles, c'était important d'avoir un petit cadeau pour vous. Ah, c'est vrai, vous avez pensé à un cadeau? Oui. J'ai des bijoux. Ah, hey, des bijoux. Si tu me fais un bisou. Ah, c'est vrai? Allez, viens. Non, un bisou. C'est vrai? Regarde. Hop. Je viens de faire un bisou. On a pas gros budget, on a des colliers de bonbons. Bah, c'est un bijou quand même. Bijou. Hein. Ouais, oh. Allez, Julie. Ah là là. Julie, c'est du jeu, c'est que tu te retiennes pour pas les dévorer avant la fin de l'émission. Je voulais un vrai bijou, moi. Et bah, moi, je veux un vrai bisou. Elle est trop vieille pour faire journée des bah filles. Bah oui, c'est pas. Je suis dans Julie, voilà, c'est comme ça. Je suis trop vieille. Et un bâton pour Guillette, s'il vous plaît. Les deux filles, venez. J'ai un bisou, collier de colliers de bonbons. Comme ça, en même temps, j'embrasse les filles du public. Ah, tu te mets bien. J'ai vu jolie en plus aujourd'hui. Anna. Bonjour Anna. Elle est magnifique, Anna. Oui, mais elle a un copain, Anna, nous l'a dit en début d'émission. Voilà, très bien. Elle est jolie. Est-ce que ton mec t'a déjà offert un collier de bonbons comme ça? Non, jamais. Tu vois, t'as vu ça, un c'est peu, la classe. C'est sexy sur elle en plus. Mais ouais, c'est mon côté foufou. Viens à côté, c'est quoi ton prénom? Marine. Ça va, Marine? Ouais. Bonjour. Voilà, Marine. Alors, il faut que la queue de cheval passe, hein. C'est ça qui est pas facile. Voilà, Marine. Vous auriez le droit de grignoter beaucoup des bonbons. Allez, on y va. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Gagueta. Va t'asseoir, Gagueta. T'as pas le droit, Gagueta. Allez, viens, Gagueta. Allez, viens, ma Gagueta. Fais un bisou. Merci. Mouah. Ma Gagueta. Voilà, comment tu t'appelles? Jessica. Bonjour, Jessica. Oh, mais tu ressembles à Pietre. Allez, vas-y. Oui, un bisou. Je voulais tes bonbons. Ah, bonbons sur la bouche. Et un smack. Allez, c'est quoi ton prénom? Alexia. Viens, Alexia. Je veux un bisou. Voilà. Il profite, il prend tous les bisous. Attends, c'est la queue de cheval qui ne passe pas bien. Je parle pas de la mienne, bien sûr. Ça vaut un bâton ou pas? Ouais, j'avoue. Un bâton. Ajoute un bâton pour Coco. Et on va pas passer la semaine. Hein. Allez, le prénom. Eva. Fais un bisou, Eva. Mouah. Tiens, ma petite Eva. Voilà. Voilà. Attends, je te laisse la remettre. Merci. Voilà. Très bien. Bonjour. C'est quoi le prénom? Marjorie. Oh, Marjorie. Milf. Mais. Milf. Marjorie. Mais tu es maman? Ah, alors on a une autre version pour les mamans, ouais. Collier de nouilles. Ah oui. Voilà, c'est très joli, ça te rappelle les trucs d'école. Voilà, collier de nouilles, c'est très beau, c'est bien fait. Avec il est beau, hein, n'empêche. Bonjour les filles, faites un bisou. Fais un bisou. Vous avez droit au bonbon. Ah oui. Voilà. Tiens. Tenez les filles. Oui, ça et tout, voilà. Hop, bim. Merci. Voilà, toi aussi ma chérie. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas entendu. Merci Jackie, Michel. Merci Coco. Un bâton. Deux bâtons, espèce de malade. Heureusement qu'elle a pas compris, psychopathe va. Voilà, bonjour. Oui. Voilà, ça va? Non, reste. Alors, hop, petit collier. Merci. Voilà, et à côté nous avons Dahlia. Ça va, Dahlia? Oui. Ça va, Dahlia? Ça va. T'es en forme? Regarde, Dahlia, un petit truc pour toi. Voilà, je ne dis plus, on dit merci, qui j'ose plus le dire. Je fais des cadeaux pour tout le monde, restez avec nous. C'est la journée de la fille, comme ça. Elle est très belle, la maman, au deuxième rang, avec son collier de nouilles. Ouais. C'est très beau. Comme ça, ce soir, en cas d'urgence, tu jettes le collier dans de la casserole. Et il y aura toujours à manger pour ta famille. Il n'y a pas grand-chose là, quand même. Hein. Eh ben, écoute, hein, c'est toujours mieux que rien. Ouais. Allez, aujourd'hui, programmation 100% filles. Voici Louane.

Prendre le pouvoir, on en passera 4-5 et vous nous direz tout ce que vous défoulerez. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Ça, c'est cool. D'accord, Stéphanie, tu le feras ? Ah oui, je le ferai. Olivia, tu le feras aussi ? Mais bien sûr, avec plaisir. Ludivine aussi ? On est toujours au taquet. Morgane, tu le feras également ? Totalement. Ah, j'ai l'impression qu'on va ou s'en prendre plein la gueule ou alors on va avoir des trucs. Des coups, hein. Puis c'est peut-être des trucs gentils, les gars. Je vous rappelle que si vous entendez le double hit de la chanson du Galaxy Samsung, vous gagnez, vous allez faire un tour voir le concert de Soprano, quoi. Pourquoi le double hit de Galaxy Samsung. Car moi ce soir je suis en feu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Dans ta poche. Ah non, c'est pas bien ça. Je suis chaud. Dès que vous entendez les deux, un double hit de Soprano. Oh merde. Oh. Et ce soir, vous allez voir Soprano en concert très privé, tout frais payé en haut de la tour Montparnasse parce que en bas ça n'aurait aucun intérêt. Oui. Autant aller là, tout en haut. Tu vois la tour Montparnasse, c'est pour. Ah non, vous êtes au premier monsieur. C'est au parking. Et t'as pas de vue. Non, c'est tout en haut et vous allez kiffer. Arrête de baisser fort comme ça. C'est pas bien que tu baisses violemment. Baisse doucement, progressivement. Voilà, maintenant tu mets Rihanna derrière, tu vas, tant qu'il, voilà. Propreté, là, il va la schlag, là, comme ça. Oh là là, c'est fou ce côté bûcheron que tu nous as. Il n'ose même pas parler de. Petit Canadien, va. Voici Rihanna sur Energy. Aujourd'hui, c'est donc la journée de la fille. Work, work, work, work, work, work. It's to me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me da, da, da, da, da, da. It's to me, I be work, work, work, work, work, work. When you walk, la, la, la, la, la, la. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Dry me, I desert you. No time to have you lurking. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Da, da, da, da, da, da. When you walk out, da, da, da, da, da, da. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. You. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my the guy from my ta-ta-ta-ta-ta. Yeah, okay. You need to get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me at the work, work, work, work, work, work. You see me do my da-da-da-da-da-da. So me by that work, work, work, work, work. When you walk out, la-la-la-la-la-la. When the cat from my ta-ta-ta-ta-ta. Que Brad et Angelina se sont séparés à cause de Koé. Eh oui. Ils auraient pas dû faire le super jeu. Dans ta gueule, moi, ma mère, peut-être pas loin, ouais. Angelina, je sais qu'elle se fait sauter au café. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Le super jeu, inscrivez-vous pour les prochains koé@energie.com. On vous fait deux versions maintenant. On vous fait une version Énergie propre et on vous fait une version No Limit pour la chaîne YouTube. Ouais. Voilà, on fait une version très CSA, très bien. Puis hop, là, une version derrière, en intégralité. Continuez de nous rejoindre sur la chaîne YouTube. On va arriver à 1 200 millions de vues, là. On va y arriver. C'est là, énorme. Dans les jours qui viennent. Continuez de vous inscrire aussi. Continuez de nous rejoindre. Vous abonnez à la chaîne YouTube Koé officielle et vous avez toutes les vidéos, tous les trucs. Faut quand même que je vous raconte un truc qui était beau ce week-end. Je peux vous le raconter ou pas? Vas-y. C'est ce quoi? Week-end, je suis allé voir un match de rugby à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait un mec que je connaissais qui me dit: mon fils est fan de toi. Il a 11 ans. Il est avec tous ses potes. Il sait que t'es dans la région. Et il l'a emmené. Peut-être qu'il m'écoute là. Il l'a emmené voir le match de rugby sans dire que j'étais là. Ouais. Et donc ils l'ont emmené devant moi avec la main sur les yeux comme ça. Et là, il a dit: alors, devine qui est là. Le gamin, il fait: ah, je sais pas. Puis il a soulevé. Le gamin, il m'a vu. Il a fait: oh, c'est pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. Non, c'est trop mignon. Hein. Tu lui marchais sur le pied. Peut-être. Et il m'a fait un câlin et tout en pleurant. C'est trop mignon. C'est mignon. Ah ouais, grave. Voilà. Bon, vous me connaissez. J'ai dit: pas de photo. Hein. Insensible. Ah, t'as regardé le père. Bon, on avait dit 100 euros. Non, mais c'était trop mignon. Stéphanie, voici le grand défouloir des filles. Donc, vous allez dire, en gros, Julie, c'est quoi le principe? Elles disent ce qu'elles... On a le droit de rien dire, on doit... Ah si, on peut en débattre même, si vous voulez. Oui, mais enfin, si à chaque fois qu'on en débat, on se prend un bâton, combien j'en ai, bilan de l'émission. Bilan de l'émission. Toi, t'es à 7 et je suis à 8. À 10 bâtons, on fait toute la prochaine émission habillée en fille. Ouais, c'est ça. Le premier à 10, ouais. Le premier à 10, hein. Ah bah ça va, Laurie, c'est à part Laurie, c'est tranquille. Bah lui, il dit rien, lui, à part... Ouais. C'est vrai, pourquoi tu t'es mis dans le truc, en fait, parce que... Oh, c'est vous qui m'avez mis dedans. J'ai rien demandé, moi. Non, mais de toute façon, il a pris le rôle facile, monsieur. Bon, Stéphanie, explique-nous. Oh, Stéphanie! Oui, pardon! Ah oui, moi, je me suis assoupie. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Non, c'est bon. Nous, les filles, on aime bien être traitées comme des princesses, quoi. D'accord, mais c'est bizarre comme truc. Nous, les filles, on aime bien. C'est-à-dire? Bah non, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire, bah, on aime bien que les garçons, ils apportent de l'attention, enfin, qu'ils nous apportent de l'attention, quoi. Quand ils voient qu'on va chez le coiffeur, on aime bien quand ils le remarquent. Ouais. Ah, oui, bah, je comprends pas. Ouais. Attendez, je comprends rien. Le défouloir, c'est le but du jeu, c'est de dire ce que t'aimes pas chez les gens, c'est pas de dire ce que t'aimes. Si, tu peux dire ce que t'aimes aussi pour le coup. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Si moi, j'avais un défouloir à faire contre les filles, j'arrive, je dis bonjour, j'adore les voitures. Il est où le défouloir? Non, mais ça peut être nous, les filles, on adore. Julie vient de se rendre compte que c'est effectivement, c'est moche. Non, rire gêné. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça peut être nous, les filles, on aime bien de. Vas-y, rame. Rame pour te rendre compte que vous avez rien compris, que mais c'est pas un défouloir. Mais si. Mais défouloir, c'est un nom que j'ai mis générique. Oui, c'est ouf. Non, mais vous nous traitez un peu des fois comme des. Voilà. Rien à voir à ce qu'elle est en train de dire, du tout ce qu'elle a dit. Attendez. Parce que vous n'êtes pas galant du tout. Elle s'est mal exprimée parce qu'elle dit. Ok. Comment il se retient? Je parle plus du coup. Ouais. En fait, tu m'as dit quelque chose, Coco, là, mais personne n'a entendu. Ouais, donc ça vaut un bâton. Tu peux répéter? J'ai absolument rien dit. Ça vaut un bâton. Au micro, ce que tu viens de dire. Ça vaut un bâton. Ne commencez pas à mentir parce qu'il y a des choses que j'aime pas dans la vie, c'est le mensonge et les épinards. Ne faites pas chier. Voilà. Alors vraiment, non, ce qu'elle veut dire, elle en tout cas, c'est ce qui l'énerve, c'est que quand on va chez le coiffeur, vous le remarquez même pas alors qu'on essaie de se faire belle pour vous. Vas-y, protéine, mets un bâton, tu vas voir, vas-y. Ok, d'accord. La Bercombi, ringard. Espèce de ouf. Ça va en bâton, hein. Ouais, ça va, ouais, vas-y, fais de la protéine, mets des t-shirts Abercrombie. Vas-y. Hey, des bâtons. Tu ferais mieux de l'enlever. En plus, il garde son collier depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, il a pas l'air d'un beauf avec son collier. Non, mais de, son collier de bonbon. C'est pas forcément bon ou mauvais, ce qu'elle veut dire. Nous, les filles, on aime. Chez où, du Club Med. Tu veux bon, on va pas aller faire des trucs ou quoi? On va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Elle a dit, nous, les filles, on aime être traitées comme des princesses, qu'elle voulait c'est dire. C'est pas un défouloir, ça. Oui, mais si, parce qu'elle a dit, ce qu'on aime, ce que j'aime pas, c'est quand je vais chez le coiffeur, par exemple, mon mec, il le voit même pas. Elle essaie de se faire jolie pour son mec et vous, vous le faites même pas attention. Mais c'est pas si vrai. On achète une jupe, un t-shirt ou un machin, etc., vous allez même pas y faire attention. Bah, bien sûr que si, c'est avec contente. Notre carte bleue, évidemment, bah, on fait attention. Non, vous allez avec votre carte, vous allez dire, oui, de toute façon, pourquoi t'as acheté déjà ce manteau-là alors que t'as exactement le même dans le. Alors, vous voyez pas ça, la différence alors, en fait. Vous allez acheter ce manteau-là, c'est exactement le même dans le. Mais c'est pas exactement le même. Non, ça marche pas avec les manteaux chez les nanas, mais avec les pompes. Et les chaussures. Ouais. Les pompes, nana, oui, quand si ta veux, nana te dit j'ai pareil. Acheté une nouvelle paire de chaussures et qu'elle te sort la même que t'avais l'impression de voir depuis 6 mois, non. Dis mais c'est la même, elle te fait mais pas du tout, regarde le talon. Ça rien à voir, c'est la même, c'est la même. Vous remarquez pas, c'est ce qu'on dit, voilà on la remarque, preuve. La preuve. Remarque. On achète une chaussure qui est peut-être de la même couleur mais d'une autre forme et vous remarquez pas. Voilà. Merci Stéphanie pour ce précieux truc. À bientôt, je t'embrasse. Olivia. Allez, oui, défouloir, on y va. Ça va. Ben moi, je dirais qu'on est plus respectueuse que vous, les hommes. Parce qu'on n'est pas respectueux, nous. Respectueuse de quoi? Ça dépend, de temps pas. En temps. Pas vraiment respectueux. En quelle situation? Mais en quelle situation? On va dire, par exemple, ben, je vais revenir sur ce que Stéphanie elle a dit. On doit être traité comme des princesses. Donc on va aller chez le coiffeur. Vous n'allez pas le remarquer, mais on va manger un peu trop. Vous allez dire oh t'as grossi. Bon, ça c'est vrai. On sait très bien que si on dit vous t'as grossi, on se fait défoncer la gueule parce que t'es pas notre meuf. Mais alors, je suis quoi? Je suis une femme. Si tu dis à ta nana qu'elle a grossi, t'es sûr que sur le lit c'est une catastrophe. Mais même au-delà du lit, mon gars, tu te fais défoncer. Jamais. Nous, on est très respectueux. On vous laisse grossir sans rien dire. Et quand on vous le dit, il est trop tard. On part avec le sac. Voilà. Mais je connais pas un mec qui a déjà dit à sa copine putain dis donc t'as grossi. J'en connais plein. Excuse-moi Olivia, nous les hommes nous sommes respectueux. Moi je trouve que nous sommes respectueux. Je suis désolé. Moi, je fais l'exception. Mais bien sûr, parce que je trouve qu'il vaut mieux. C'est honteux de dire à une fille qu'elle a grossi. Ah, je suis d'accord. Vaut mieux à la limite la tromper en sortant avec sa copine sans qu'elle le sache jamais. Au moins, voilà. ça lui c'est fait pas de mal. Mais attendez, lui dire qu'elle a grossi, c'est terrible. Que j'ai grossi. Vous dites tout le temps arrête de manger oui, ces mais t'es pas notre copine. T'es une copine. Et alors, je suis une copine depuis 10 ans. Vous me dites que j'ai grossi, ça fait pas plaisir. Je dis que tu remplis plus le siège qu'avant quand même. Enfin, c'est pas. Mais vous êtes des bêtes. Alors que non, en fait, en vrai. C'est un effet d'optique. Je suis moins grosse qu'avant. Non, elle demande des chaises de plus en plus larges. Regarde, il y a plus de place. Fauteuil de Bigali, un autre bâton. Mais à chaque fois, vous rigolez ou quoi? J'ai de le mettre sur vérin, les suspensions en dessous. À Pietre est à 10, tu me dis? Bah là, avec deux bâtons, on est à 10. Bah ouais, un seul. Bon, Olivia, je suis pas d'accord avec toi. Le mec, il fait attention à ce qu'il dit. Ouais. Moi, je trouve que il y a des hommes qui sont des mufles et il y a des hommes qui sont très respectueux. Et nous, dans cette émission, malgré notre côté grande gueule et déconneur, nous sommes quand même très respectueux envers les femmes. Ouais, Julie, je l'ai jamais dit. Sérieusement, ça. Julie, sérieusement. Là, on déconne. Mais indépendamment de la rigolade à l'antenne, on n'est pas respectueux. Moi, je parle de moi. Je parle pas des autres porcs. On est respectueux à tous. Franchement, même moi, c'est un personnage. Je sais très bien. C'est un romantique. J'ai jamais dit à une de mes copines. T'as grossi. Je les nourris pas. Tu me diras, mais moi, tu m'as jamais dit. J'ai grossi. Mais une demi-meuf à moi. Tu es une de tes copines? Julie, moi, parlons de moi. Quoi, toi? Je suis pas respectueux envers les filles de cette équipe en off, à côté de l'émission. Soyez honnête. Oh, faut que je sois honnête, vraiment. Vous êtes grave, c'est pas vrai. Vous le savez très bien. Ouais, ça va. T'es le moins pire, on va dire. Mais n'importe quoi. Si. Bah, on fait quoi, nous, de pas respectueux? Vous, toi, tu lui pètes dessus, vous pètez toute la journée. Mais on s'en fout, ça c'est. On est amis. Ah bah mais c'est oui, on est amis. Quand on est amis, on pète pas sur les mais autres. Non, mais on jamais ne confondez pas. Tu dessus si t'es ami. Ne confondez pas. Ta copine est une copine. Ouais. Toi, t'es une copine. Un pote. T'es pas ma meuf. Et alors, à ma j'ai meuf, le droit au respect pète aussi. Pietre, il est indécrottable. Mais c'est ça devrait être l'inverse. C'est moi rigolez, qui suis le mec le plus respectueux avec les filles de cette équipe. Non, et vous si, c'est vrai, pas, si c'est pas vrai, si c'est vrai, si c'est vrai. Si c'est vrai. C'est si vrai. Et c'est moi qui me prends des mises en demeure. Le zizi dans l'oreille ou sur l'épaule, ça compte comme un truc misogyne ou pas? Mais c'est de l'amusement. Et c'est eux qui font ça. C'est de la rigolade. Ils font ça, ils font le dindon et tout. Mais c'est de la rigolade. Le jour où ils te feront la licorne, tu pleures. Je te fais un bisou, Olivia. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous à tout le monde. Ludivine, le défouloir continue. On t'écoute. Salut mon coco, on va parler respect vite fait. Alors respect vite fait après Katy Perry, ne bouge pas. Ah je vais me reconnaître, ah. Le suspense c'est là alors. Respect vite fait, je vais me reconnaître, c'est ma fête hein. Katy Perry, émission 100% fille. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Alors vas-y, on va parler de respect, c'est ça qu'elle avait dit ? Ouais, je crois. Ouais, mais qui va pas parler que à toi. S'il y en a pas un seul qui se reconnaît dans le studio, vous êtes tous des faux culs. Parce que moi, si j'ai un coup de gueule à passer contre vous, c'est les mecs qui, après de passer aux toilettes, ils savent pas ce que c'est que la balayette. C'est dégueulasse. Ah, alors, soit ça fouette et soit c'est dégueulasse. Ça, ah bah alors, alors excusez-moi, le soit ça fouette, pardon, mais excusez-moi, quand on va aux toilettes, on va aux toilettes. Je suis désolée, mais les toilettes. Il y a des petites pites, hein. Les toilettes qui puent le plus, c'est les toilettes des hommes à chaque fois. Oui, c'est vrai. Bien sûr, à chaque fois chez nous. Après, vous venez chez nous parce que les vous, c'est trop sale, ça pue, c'est moche. C'est bon, hein, les gars, prenez soin aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de porcs. Coco et Guiguette, ils viennent squatter chez les meufs à chaque fois parce que c'est sale chez les hommes. Et c'est vrai que les hommes. Ouais, moi, je vais surtout vous dire un truc que je pense vraiment, c'est que je suis halluciné du nombre de gens qui ne peuvent pas chier chez eux et qui vont chier au travail. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas prendre 10 minutes de plus pour faire un bronze à la maison. Ah mais non, ça se commande pas. Ils arrivent à 9h du matin et 9h30, pff, T'as pas moi, envie je à vais au bureau, je vais au bureau, je m'en suis fait et un ce matin. Je dis putain, arrêtez de chier chez moi, quoi. Mais chier chez vous. Mais en même temps que le bureau, c'est chez mais toi. Mais oui, mais c'est pas le problème, c'est chier chez vous. Il est 9h du matin, vous pouviez quand même faire ça chez vous à la maison plutôt mais que de venir pourrir mes chiottes. Tu fais pas sûr sur comment. Mais si, tu peux faire un effort de faire ton caca après c'est ta douche. La dernière fois que je suis venu chez toi, moi j'ai fait caca en arrivant. Vous êtes pénible, vous venez chier chez moi aussi. J'avoue, chez toi, il y a qu'une toilette. Non. Ah bon. T'es pas allé aux extrémités. Ah ouais. Mais ah non, parce que. Ah ouais, j'avoue. Non, mais ça, c'est insupportable. Faites caca à la maison. Moi, ça m'arrive comme tout le monde. J'ai un être humain. Le jour où c'est vraiment un état d'urgence, quoi. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais en théorie, je fais chez moi. Ça me ah, vient moi, pas je peux pas faire chez moi ça si je suis pas chez moi. Hein. Moi, j'ai un baroudeur des toilettes. Je fais n'importe où. Excusez-moi, le mec qui va faire caca dans les toilettes d'énergie, c'est le mec qui peut je faire un Koh-Lanta, gitan des toilettes. Ah ouais, dans toute la France entière, je vais. Bah oui, bah, dans les restos, mais... dans la forêt, les restos, sur les aires d'autoroute, je m'en fous. Dans la forêt et tout. Mec, les aires d'autoroute, arrête. Mais quand t'as envie, t'as envie. Mais c'est t'es ouf, déjà, un pipi, les aires d'autoroute, déjà quand tu touches la poignée. Ah ouais, quand t'as envie, tu te retiens. Non, les aires d'autoroute, les aéroports, j'y vais pas. Les aires d'autoroute, t'as ouvert ta porte de bagnole, t'es à 15 mètres, il y a déjà l'odeur qui commence à arriver. Sur les aires d'autoroute. Que dans les toilettes d'autoroute. Sur les aires d'autoroute, je préfère aller encore sur le parking. Mais non, mais tu fais rapidement, mais tu fais quoi. Je déconne, je dis ça pour. C'est horrible. Les aires d'autoroute, vous y allez. Non, non, je vais pas. Et les aires, vous savez, dans les stations-service où ils ont mis 40 cm de porte en moins au-dessus et en dessous. C'est-à-dire que quand t'arrives, tu sais qui pisse, de qui fait caca. Et bah, dans les aéroports aussi, parce qu'ils sont obligés. Et maintenant, ils rajoutent un jour entre les portes. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, tu vois la personne c'est qui vrai, fait caca. C'est vrai, t'as raison. Mmh. Et si tu, mets une pièce, si tu mets une pièce, tu peux voir à l'intérieur. Il chante. Ouais, ouais. Bon, Ludivine, c'était pas ça le problème. Non, mais elle a raison. Hein. Bah, beaucoup moi, d'hommes sont sales à ce niveau-là. Moi, balayette. Beaucoup d'hommes ne se retournent pas derrière leur machin qu'ils laissent. Moi, je trouve que vous avez. C'est pas ça. Et eh ben vous vivez avec des porcs. Moi j'ai jamais arrivé. Pareil, moi, je suis toujours ça clean pour coup, ouais. Oh, ah ouais. On n'est pas comme ça nous Julie. Ah non je crois pas. On est propre, mais on a une équipe en voie de disparition. De toute façon moi je ne fais que des perfects de toute façon. Ouais, Pietre il fait des perfects. C'est vrai, il arrête pas de me le dire toute la semaine. Ah oui, moment, donc, ouais, je fais pas caca. Si Pietre il fait mais des perfects sur des petits toboggans qui descendent tout seul jusqu'au truc. C'est à quoi boulevard quoi. Il a un caca télépéage qui va directement. Sans laisser de traces. Allez gros bisous, je t'embrasse ma chérie. Il y aura Morgane dans un instant. Il y aura encore vous tous. Passez-nous un coup de fil, une émission spéciale fille. À tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. Je mange des merguez végétales et c'est pourtant trop bon. Voilà, toi. Bah, j'ai jamais goûté. Je goûterai une fois avant de dire. Comme une bonne merguez, c'est dommage. Hein. Non, mais végétal, ça. On restera sur cette phrase. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On Energy. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Énergie 12. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu ? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euro par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Gagnez votre super séance énergie pour Doctor Strange, la nouvelle production des studios Marvel. Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt ? Connectez-vous dès maintenant sur énergie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film juste pour vous et vos amis. Vous mourrez en protégeant ce monde. Doctor Strange, au cinéma le 26 octobre avec énergie. It's music only. Bonjour, c'est Faustine Bollard. Le meilleur pâtissier est de retour avec un Cyril Lignac toujours aussi gourmand. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Une mercotte plus exigeante. C'est une catastrophe. Et 12 pâtissiers amateurs passionnés à vos marques. Prêts, pâtissez. Le meilleur pâtissier présenté par Faustine Bollard, c'est demain à 21h sur M6. Oh, oh, oh, M6. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Coué, 19h, 22h. Journée de la fille sur Énergie, on a essayé de vous faire le plus plaisir possible, on a essayé de donner la parole à toutes les filles, on pouvait faire plein de trucs, on a essayé de ne pas aller trop dur. Mais on aurait pu faire des dossiers plus importants, je suis désolé, on aurait pu, il y a encore des trucs sur les filles maltraitées, etc. On aurait pu. On aura l'occasion d'en parler. C'est pas la journée de la maltraitance non plus. Attention, non, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est pas non plus la journée de la femme, c'est la journée de la fille. Oui. Ah, c'est un nouveau truc et on s'est dit, il faut qu'on respecte l'histoire et qu'on marque le coup. Mais ça, évidemment. C'est ça, ne l'écoutera pas, comme d'habitude. Ouais. Il retient une petite connerie, mais ça, des trucs bien, il ne les écoute jamais. On va leur envoyer. C'est pas grave, bon, écouteront pas. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave, laissons tomber. 30 ans que je supporte ça. Ça fait. On va finir par Morgane, ça va Morgane? Super. Allez, ça, t'habites où ma chérie? À Metz. Ouh, à Metz. À Metz. À Metz. À Metz. Mais à Metz, elle nous l'avait en version train qui passe. Ouais, à Metz. Metz. Tu fais quoi à Metz? J'ai pris. Pardon? Tu vas faire quoi? Tu fais quoi dans la vie, Amel? Pourri. Oh, je suis en BTS NRC. Merci. Elle a dit Amel, je prie. Tu fais quoi, Amel? Je prie. C'est marrant, non? Non, je suis en BTS. Non, je suis en BTS. Bon, bref, okay. C'est quoi ton coup de gueule? Bah, moi, c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt pour vous dire à quel point vous êtes stupide, car on est obligé de bouder pour vous faire, pour avoir des câlins, en fait. On est obligé de quoi? De bouder pour avoir des câlins. Oh non, c'est pas complètement faux. Ouais, si, c'est vrai. Ça dépend des mecs, t'as des mecs qu'un et des mecs. Surtout avec l'arrivée de FIFA, vous êtes plus sur vos jeux vidéo qu'avec nous. C'est pas faux. Peut-être il n'ose pas dire non, disait c'est pas faux. Moi, je suis pas jeu vidéo, moi. Je joue un tout petit peu, mais sans plus. Non, mais est-ce que t'as besoin qu'une nana boude ou te fasse la gueule pour aller lui faire des câlins? Moi, je suis pas câlin. Moi? Souvent, ouais. Mais non? Moi, je suis. Alors, pardon, mais je suis t'es très pas câlin. Ah, t'es très moi, câlin. Je suis très câlin, moi. Moi, très câlin. Moi, si je fais câlin, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Moi, pas du tout. Moi, je trouve. Aussi, moi, j'aime bien aussi. Quand t'es bien avec une personne, être à côté, machin et tout. Et tu boutes. Parce que pour la plupart, on est obligé de négocier nos câlins. Enfin, c'est ouf ça que vous êtes pas avec les bons mecs si vous négociez des câlins, excusez-moi. Comment ça, tu négocies tes câlins, toi? Bah, faut bouder pour qu'ils remarquent qu'on a envie de câlin, quoi. Elle a pas tort. Excusez-moi, en théorie, quand un mec est bien avec sa nana, il a envie de la prendre dans ses bras. Ouais. S'il la prend pas dans ses bras, c'est qu'il se fait chier avec. Ouais, mais des fois, vous nous trouvez trop mignonne quand on boude, alors ça aide. Trop mignonne quand vous boudez, je trouve ça insupportable, une nana qui boude. Je trouve ça horrible. C'est je déteste les prises de tête. Moi, le côté, non, ça va, ouais, non, ça va. Il y a un problème, non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Insupportable. Et c'est dans ce moment-là que tu fais un câlin. Mais je déteste ça. Moi, je trouve qu'en théorie. Ouais, ça m'arrive de faire non, mais je pense que, excusez-moi, vous connaissez ma théorie, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a plein de gens qui se voilent la face. Je pense qu'il y a plein de nanas qui sont avec leur mec parce qu'elles se rêvent de se barrer ailleurs, mais elles restent avec pour des raisons familiales ou autres. Et t'as des mecs qui restent avec la nana par fainéantise. Parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux, donc ils baisent à côté, puis le soir ils reviennent chez leur nana. Et je pense que ça, c'est 80% des couples. Mais c'est la réalité. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont ensemble et qui se font chier. D'où le fait qu'il n'y a pas de câlin, qu'il n'y a pas de tendresse, parce qu'ils n'ont pas envie d'en donner. Vous allez chercher le coup du jeu vidéo, du machin, ce ne serait pas le jeu vidéo, il se mettrait derrière le match de foot. Si ce n'est pas le match de foot, il se met derrière une partie de pétanque avec ses potes. Oui, mais il attends, mais tout le monde ne kiffe pas les câlins. Tu ne peux pas faire des câlins à 24 ans plus. Les amis, tu kiffes pas les câlins avec la meuf que tu kiffes pas. C'est tout. Une nana que tu kiffes, t'as envie de la prendre dans tes bras. Oui, si tu la prends pas toucher, dans tes bras, c'est qu'elle te saoule, elle occupe l'espace, elle est chez toi, elle te fait la bouffe, elle te fait un peu le ménage, tu te dis ouais, elle est pas dérangeante. C'est tout. Quand tu kiffes bien ta nana, tu la prends dans tes bras et t'es gentil avec elle. Oh, ça faut enlever trois bâtons. Mais non, mais ça c'est la réalité. Mais c'est pas ça, c'est la réalité, c'est que vous me faites tous marrer avec votre obligation d'être en couple là. Dès que vous avez 16-17 ans, il faut être en couple, il faut avoir un chéri, il faut ceci. Et vous te faites chier tous ensemble en couple. Vous vous obligez à rester en couple. Regardez dans les restaurants, c'est pas moi qui l'invente. Regardez les gens en couple dans les restaurants qui n'ont rien à se dire. Et vous pouvez prendre des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, ils n'ont rien à se dire, ils se c'est parlent vrai, pas. C'est vrai. Ils se font chier. Ouais. Et quand tu vas les prendre séparément, tu vas dire vous faites chier en couple. Non, pas du tout. On s'aime comme au premier jour. On fait l'amour toujours comme d'habitude. Tout comme d'habitude. Et quand ils sont séparés, la nana te dit la vérité, qu'ils baissent plus depuis des mois, que ceci, que cela. Vous mentez tous. Et j'en regarde quelques-uns dans cette équipe en le disant. Vous mentez. C'est tout. Comme voilà. Pas le choix, c'est les impôts. On est tous hypocrites. Nous les hommes, vous les filles, des fois vous vous barrez pas parce que vous avez pas forcément mieux. Il faut trouver un appartement, il faut trouver machin où il y a des enfants. Et les mecs, c'est par l'acheter parce qu'ils ont là le divorce, ça va coûter un bras ou machin et tout. Ils veulent pas rester seuls. Mais souvent les mecs ils se barrent quand ils ont trouvé une autre nana. Ils se barrent pas seuls. Oui, ça. Alors c'est que vrai. Les nanas, vous pouvez le faire vous. Mais vous c'est dites vrai. Ouais, mais il y a les enfants. Oh là là, ça va être dur à gérer. Comment je vais faire? Je vais pas m'en passer. Voilà. Et on vit dans un monde d'hypocrites. Et donc les couples sont construits là-dessus. Résultat, il y a 80% des couples qui se font chier entre eux et qui voudraient autre chose, mais qui n'osent pas le faire. J'avoue, il y a. Donc, si vous vous faites pas de câlins, que vous vous offrez pas de cadeaux, c'est que vous êtes pas bien avec l'autre. Vous êtes pas amoureux. C'est tout. En théorie, quand t'es bien avec l'autre personne, tu la couvres de cadeaux, tu l'invites, tu lui fais plaisir. Voilà, c'est tout. C'est la base d'un couple. Sinon, c'est pas un couple, c'est une copine. Comme il y en a plein d'autres, et tu vis avec une copine. Voilà, quelqu'un pour qui t'as des sentiments. Tu l'aimes bien, mais pas tu l'aimes amoureusement. Ouais. Ah merde, waouh, on fait chier. C'est vrai, t'as fini ou pas? C'est vrai, tout est construit là-dessus. Autour de moi, je n'ai que des couples qui sont comme ça. Que des couples que quand tu creuses un peu, ils disent ouais, c'est vrai. Bah ouais. Voilà, et ils s'efforcent à se tenir par la main, ils s'efforcent à s'envoyer des mon chéri par SMS alors qu'ils y pensent même pas. Ils font oh putain, je lui ai pas écrit. Alors vite, ils s'envoient un truc parce que sinon ça va être un drame. Ah, c'est que de l'hypocrisie. Des gens qui s'aiment pour de mais vrai, qui sont vraiment heureux mais en couple, il y en a très peu. Tu dis ça parce que toi, tu t'es séparé, ça y est, t'es tout seul, machin, ouais. Etc. Mais tu l'as fait aussi pendant des années. Il le disait déjà. Je disais cette même théorie. Tu disais la même chose. Et je me comprends dans les gens aussi. Donc c'est très difficile, tu peux comprendre. Bah, c'est très difficile, mais si les gens. C'est une fois, des fois que t'en es sorti, tu fais ah ouais, tiens, j'avais pas ouvert les yeux au bon endroit. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais je c'est trouve juste que des fois. Et bah, si on boude un petit peu, bah, vous me faites des. Oh, arrêtez vos conneries de boudeuse. Mais ça emmerde tout le monde d'être boudeuse. Tu crois que parce que tu fais. Il en a rien à foutre. Il te prend dans les bras. Il te prend dans les bras parce qu'il veut. Ma chérie, il te prend dans les bras parce qu'il veut tirer son coup le soir. Et puis, allez, viens là. Mais vous rigolez ou quoi? Si, il a raison. Sa nana fait la moue, il en a rien à foutre qu'elle fasse la gueule. Enfin, vous rigolez. Mais pas du tout, c'est un jeu. Mais c'est un jeu de quoi? Mais moi, tu ferais la gueule, tu dirais, bah, fais la gueule, ma chérie, puis je me barre. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça dépend si tu fais la gueule en mode le chapeauté avec tes yeux doux, c'est rigolo, c'est mais si tu fais vraiment la gueule, c'est chiant. Avec des petits yeux de chamois. Mais ce que vous savez pas, c'est que le mec, vous lui faites la gueule une fois, il va revenir, deux fois, la troisième fois, il dit bah allez, vas-y, fais la gueule. Et puis c'est tout, et vous allez passer. Et vous allez passer. Il va faire la gueule et bouder. Oui, et vous allez passer dans la case de la femme casse-couille. Et d'un seul coup, il dira de toute façon, là, ça fait tout le temps la gueule. Et quand vous êtes dans cette case-là, c'est mort pour en sortir. Et le couple, il est mort. Ah, mais. Moi, je trouve qu'il y a trop de couples qui vont pas l'un avec l'autre et qui seraient mieux avec d'autres personnes. Toi, t'aimes les câlins, il t'en fait pas. Bah, je suis sûr qu'il y a plein d'autres mecs en France qui rêvent de trouver une nana qui adore les câlins pour s'en faire. Il y a pas que les câlins qui comptent. Mais je parle même pas de faire l'amour. Les câlins, ça veut dire de prendre l'autre dans les bras, ça veut dire de la tendresse. Mais il y a pas que ça qui compte. Important. Il y a quoi d'autre? Il y a les cadeaux aussi. Ouais, mais qu'est-ce que tu proposes du coup? Je propose pas. Je dis juste que quand on se regarde un peu, son couple, et ben on se rend compte, et quand on regarde les couples des autres, que finalement on se force à se mettre en couple parce que c'est comme ça et nos parents sont comme ça et qu'il faut être en couple et que 80% on n'est pas avec la vraie bonne personne. Ouais, mais après, on est avec une personne sympathique. C'est pas facile quand t'as des gamins, des. Mais je dis pas le contraire. Je dis juste aussi que la vie elle est courte, donc tu vas pas passer juste à la fin de ta vie en étant presque pas mal avec quelqu'un. Tu veux relancer l'immobilier. En fait, toi. Moi, je. Parce qu'un couple séparé et deux appartements. Tu devrais lancer une agence de rencontre. Non, un truc mais comme ça. Je. Voilà, c'est juste ce que je pense. Vous n'avez pas le droit de ne pas être raison d'accord avec moi. Hein. Ouais. Mais c'est ma pensée du soir. T'as entendu ce que t'as dit? Vous n'avez pas, pas le droit d'être de pas être d'accord avec moi. Et je le pense. Il a vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Non, mais voilà, je trouve qu'il y a des fois des gens qui sont malheureux en couple et d'autres qui seraient tellement mieux s'ils étaient. Ils trouvaient la bonne personne. Et que des fois, on va un peu trop vite et alors qu'on prend moins de temps à chercher la bonne personne. Bon, vous avez vu, il a réussi à retourner la situation une fois de plus. C'est vrai. Ouais. Et il est gagnant. Il est fort. Ouais, t'es trop fort. J'ouvre une secte à partir de la semaine prochaine. Ça, t'es malade ou quoi? Ça, c'est une blague. C'est une blague. Gros bisous, Morgane, je t'embrasse. Et fais pas trop la gueule quand même, parce qu'à un moment donné, ça va le saouler. Non, je souris tout le temps. Ah bah alors ça va, ça. Ça, c'est une bonne technique. Ça, c'est bien. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'embrasse. Gros bisous, salut. Bisous à Morgane. Bisous. On va revenir demain. On va vous laisser avec Guillaume. Passez à une bonne soirée. Mais le mot de la fin de Stouff. Je prendrais bien un petit coup. Sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Sur Énergie, bonne soirée, Guillaume Radio 2.0. Putain, je viens de régler le déformateur de voix pour essayer de faire comme. Oh, va le faire après. Alors on va s'amuser, on va essayer de faire n'importe quoi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les gars. C'est parti du coup sur Énergie. On sera fait hygiène. Tout à l'heure, jusqu'à minuit, on est en direct, hein, nous. Donc 22h01. Il y a eu du foot ce soir. On va se tenir au coin des scores. Pour vous prouver qu'on est en direct, hein, on sera Bonfire. Tous les plus gros hits, on les découvre ici sur Énergie le soir. De 22h à minuit, première radio de France. On se relie, ça y est. Prévenez les autres, les potos, que ça a commencé sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout. En balançant un message, hein, si vous voulez balancer une petite dédicace, c'est parti du coup. Le standard est allumé aussi. Guillaume au début du texto, et vous l'envoyez au 6-11-12 pour balancer une petite dédicace. Là, Guillaume et votre message au 6-11-12. Toute l'équipe qui est en train de s'installer. Le standard qui est en train de s'allumer avec Alain qui est là au standard. Bonsoir Alain, 19 ans. Oui, bonsoir. Il est là, il a 19 ans, il vient de Martigues. Première fois qu'il vient à la radio, vous allez bien. Vous allez bien. Ah ou quoi Alain? Bienvenue Alain, on représente hein, le 13. Ça bien ouais, ouais. Les brûlures, les coups d'électricité, on va en parler. Alors là, on rentre dedans direct. Hein. Julien Sagia, tu rentres dedans direct. Ouais, direct, si tu veux, avec plaisir. Il aime bien rentrer dedans tout direct. Ouais, bah oui, dans le sujet, c'est important. Il aime bien rentrer directement dans le trou. Ça, j'ai non, dans le sujet, ça, les gars, moi, ça va au taquet. Vous avez passé une journée tous les deux. Oui, impeccable, enfin. Vous avez fait des trucs ensemble, vous avez mangé ensemble. On a mangé ensemble, ouais, du poulet avec des patates. Voilà, très bien. C'est intéressant. Ça va, Julia? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien, Julia, elle a passé une bonne journée aussi. Ouais, super. Elle est dehors. Elle a passé sa journée dehors. Elle nous raconte. Ça va, Flo, des cadeaux? Ouais, ça va tranquille, salut Guillaume. Lui, il a passé la journée chez Darty pour acheter. C'est très vrai en plus. J'ai mangé du poulet aussi. Il a mangé du poulet, puis après ouais, il a dansé. Voilà. On est allé chercher les cadeaux. Flo des cadeaux, c'est le mec qui s'occupe des cadeaux de l'émission. Et on essaye tous les jours d'aller acheter un max de trucs, d'avoir un max de budget pour avoir des trucs et tout. Et là, soir, on a récupéré quoi alors pour aujourd'hui là? Alors, il y a des PS4, des Xbox One et des tablettes Samsung Galaxy Tab. Les belles tablettes. Pour qui? Quelles sont les belles tablettes? Les tablettes, les Xbox, les PS4, donc il y a plein de trucs. Et aussi, il y a des places pour. Il tombe ce soir le double X. C'est possible. Non mais arrête de faire ta couille là. Le mec il tombe pour un mec. Il faut faire croire que ça va tomber. Ouais. On s'en bat les couilles. Ça tombe pas ce soir. Non. Ça tombe pas. Fin de semaine. Fin de semaine. Ouais. Vendredi. Mais ça nous dit pas quand. Non, on n'a pas le droit de le dire. Il va se faire engueuler. Non, non, mais oui, sinon. Ok, c'est vendredi. Ouais. Vendredi. Je vous file des places pour le double hit Soprano avec des places tout compris pour aller voir Soprano à Energy Live Session en haut de la Tour Montparnasse le 28 octobre. Il sera avec moi d'ailleurs jeudi. Soprano, pourquoi animer l'émission, à bien rigoler jeudi soir de 22h à minuit. S'il y en a qui veulent venir dans le public, il nous reste 2-3 places qu'on a gardées pour les dernières, parce qu'à chaque fois les derniers jours il y a toujours des mecs qui nous écrivent et tout. On aimerait vraiment venir et tout, donc on garde toujours un petit quota de place, on en donne 5-6 par jour. S'il y en a qui veulent venir dans le public, soit par email hein, guillaume@energie.com pour venir dans le public avec nous et Soprano du coup jeudi soir, soit par texto guillaume un espace et vous marquez Soprano avec votre numéro au 6-11-12. Voilà, vous commencez le texto par Guillaume et vous l'envoyez au 6-11-12. Guillaume au début, 6-11-12 à la fin. Ça, c'est le numéro d'envoi. Si vous marquez pas Guillaume au début du texto, il n'arrivera pas dans mon studio, les mecs. Voilà, c'est pour que ça me permette de l'avoir. Et pareil pour vos dédicaces, hein, Guillaume, et vous envoyez un message. Essayez, vous allez voir que ça marche, vraiment. Guillaume et le message, donc au 6-11-12. Bonsoir, je t'écoute depuis 2 ans, je t'adore. T'es mon idole dédicace à 5ème A du collège Roger Vaillant à Sanvigne. Salut les mecs à Sanvigne. Bon courage, hein. Tom du 7-1. Salut les 5e. Bon courage à vous, les gars. C'est parti pour les 2 meilleures heures de la journée. Vous êtes mon bonheur aussi. Bonsoir à ma famille. Gros bisous à ma famille 59. Salut. Vous me rendez sourire après le décès de ma grand-mère. Ah, putain, gros bisous. Toutes les condoises de l'équipe, je t'embrasse. Bon courage. Ouais. La meilleure équipe du monde, c'est vous, Jessica de 2A. Merci. Ma chérie Donovan, que j'aime plus que tout le monde, il m'a demandé en mariage alors j'ai 14 ans. Attends un peu, au que du bonheur. Attends. 14 ans, t'as pas le droit. Non, mais tu verras. Non, mais déjà, non, mais surtout, attends, prends ton temps. Ouais. Faut que tu sois sûr, fais le bon. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Prenez votre temps. On n'est pas pressé, ça sert à rien de se dépêcher, quoi. Je vous kiffe, continuez. Comme ça, et respectez Jessica, elle est trop gentille. Ah, merci. Jessica et son équipe qui se donne à fond, c'est génial. C'était quoi le message? Il est gentil, je suis un stagiaire. Non, c'était même pas ça, c'est moi qui l'ai déformé en plus. Ah, parce que c'est fait Reddit. Ah, tu m'as fait un compliment sans faire exprès. Je note, c'est bien, merci. Non, en fait j'ai lu 2 messages en 1 et j'ai c'est fait. C'est pas grave, pas de soucis. Hein. C'était super émission et super équipe qui se donne à fond, c'est génial. MDR, je suis un stagiaire, défoncez-le. Non, je vous kiffe pas, comme ça, signé Julien. Et donc, du coup, j'ai fait une liaison. Il y a trop de Julien là. Non, c'est pas vrai. Kenny de Poitiers, Castelli chauffeur en VL qui roule de nuit. Eh ben, allez-y, Guillaume et votre message au 612. Julien Stagiaire rentre dedans, telle une torpille fuselée avec son métal. Oh putain, non, alors le mot. Un visage fuselé. Ça va pas recommencer avec cette expression de merde. T'es énervé, ça y est. Le mot fuselé, même chez moi, j'y ai repensé. Hein. C'est vrai? Fuselé, ça sert à rien, je sais pas, j'aime pas. Visage, ça agresse les gens, le mot. C'est mignon, fuselé. Mais oui, c'est peut-être non. Une fusée, ça va. C'est pas moche, c'est moche quand même. Dédicace de l'internat du lycée à Martinière, à mon plaisir, à Lyon, vous êtes trop stylé, ouais. Il peut ressembler à qui, Julien Stagiaire? Tiens, j'ai joue de l'eau. Non, mais une star. Attends, il y a un air. Qui a un visage fuselé? Fuselé, c'est pas un beau. Un peu boudère, je sais. Ouais, non, le respect. C'est le boudère blanc. On part sur un manque de respect dans l'émission. Et attends, mais respecte-le. Bah oui, mais moi je respecte pas. C'est bien geek, je kiffe James Zandar. Il ressemble à un casque de vélo, tu sais, un peu bizarre, là, fuselé comme ça. Ah non. Si, si, il y a des casques comme ça. Il ressemble à un casque de vélo. Il s'est vu ou pas? Parce que pour parler. Il est pour mal. Et devient hôtel, la stagiaire. Parce qu'on l'insulte de fuselé, alors oui, forcément, ça va plus. Oh, j'espère chez vous, ça va. En tout cas, on est au sixième étage d'énergie, là, comme chaque soir. Il y a eu du foot hein, ce soir, j'ai un stagiaire. Il y a Allemagne-Irlande du Nord et 2-0 pour l'Allemagne. J'ai pour l'instant. L'Allemagne, Irlande, Irlande du Nord, ouais. D'accord. Il a fait un seul mot, ouais. Ça fait ouais, c'est un match direct, là. C'est un nouveau pays. On a hâte de voir la fin. On se tient au courant. Et Alain de Martigues, alors toi, t'es en quoi, toi, alors, Alain de Martigues? Alors, ben, moi, je suis diplômé, en fait, d'un bac pro électrotechnique. Ouais, et, d'accord. Voilà. Et en fait, là, je raconte mon histoire là. Ouais, vas-y, ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, c'était mon premier stage dans une grande entreprise marseillaise. J'étais dans un hôpital et en fait, je connaissais pas encore le métier bien et je me suis lancé dedans. Je suis allé, je commençais à mettre les mains et tout. Et en fait, sans savoir qu'il y avait 10 000 volts de l'autre côté, quoi, en fait. Et alors, et t'as pris un énorme coup de jus? Non, c'était mortel si je prenais. Non, en fait, la personne qui était avec moi avait coupé à temps de justesse, en fait. Ouais. Pour ça, j'ai presque, failli y passer, en fait. Ouais, tu savais pas. Ouais. Heureusement. C'est pour ça que t'es en apprentissage, hein, du coup. Bah oui, ouais. Faut être en stage, mais je veux dire, ouais. C'est comme dans tous les métiers. Après, l'électricité, c'est vraiment une sale race. Hein. Ouais, t'as les coups de jus. C'est vraiment une saleté, quoi. C'est... Ouais. Mais bon, heureusement, on n'en a pas. On n'aurait pas de chaleur, on n'aurait pas de télé, on n'aurait pas Internet, on n'aurait surtout pas la radio. Pas de lumière. Non mais c'est vrai, il n'y aurait pas de lumière, on se verrait pas, on verrait rien, ça nous aide, on mangerait pas chaud, enfin, je veux dire, c'est quand même, les micro-ondes, tout ça, ouais, c'est quand même c'est important, l'électricité, mais ouais. C'est vrai que c'est une merde. J'ai un stagiaire, est-il beau? C'est une question d'une personne qui t'a jamais vu. Bah je sais pas, faut voir une photo. Bah oui, j'ai un stagiaire. Bah je plais à des gens, je plais pas à d'autres personnes. Bien sûr, j'ai un stagiaire, est très beau gosse. Ouais, non, fais pas trop. Il est beau gosse. Moi je vais d'un côté. Non mais là on s'en dit pas naturel, beau gosse. Non mais pourquoi pas naturel? On a le droit de te trouver beau. Bah oui, c'est pas un crime. Non. Beau. Oui, c'est vrai. J'aime du standard, tu te trouves très beau aussi. Ouais, magnifique. Voilà, ça va, les clins d'œil entre non, vous. Non, bah, j'ai fait beaucoup de clins d'œil. Flo des cadeaux. Ah, je le trouve très séduisant. Ah, ouais, ah, ouais, d'accord. Toi, tout le monde te trouve beau. Ah, c'est gentil, c'est rouge. C'est que. Je le prends bien, ouais. Il a pas l'habitude. Si on dit que t'es beau gosse, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. C'est vrai que tu rougis. Bah, oui, il y a des compliments, je sais pas si c'est sincère ou pas. Bah, si, c'est bah, c'est bien, je le prends bien. C'est très beau. Merci beaucoup. Première nuit dans le camion, je vous écoute, vous êtes parfait. Salut les gars. Salut. Fallon ma vie, je t'aime, gros bisous papa, salut les mecs. Samuel, je t'aime, me laisse pas. On va parler des fois où vous êtes brûlé ou coup d'électricité. Est-ce que vous avez pris un énorme coup de jus ou alors une énorme brûlure? On en parle ce soir, vous êtes les bienvenus pour en parler justement avant de se faire tout à l'heure Félix Jen. Et alors c'est 22h09. À 22h09, c'est l'heure de la blague de JM du Standard. Ouais. On fait juste une petite pause, ça dure 30 secondes. La blague chaque soir de JM du Standard. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas pris un missile. Ouais, c'est vrai. Elle est bien là celle-là? Ouais, elle est bien. Ouais. Elle est mieux que les autres? Elle est mieux, ouais. C'est vrai, c'est ouais. La meilleure de la semaine pour l'instant? Je pense, ouais. Très bien. On est que mardi en même temps. Ouais, c'est vrai. On va voir ce qu'il y a à dire. Très bien, et ben on y va. Première blague, c'est parti pour JM du Standard. Attention, on t'écoute quand tu veux. Donc, vous envoyez Guillaume et une note sur 20 au 612. Excusez-moi juste, on essaie de faire une blague. Alain, tu donneras une note sur 20, d'accord? Le jury. Okay. Alors attends, concentre-toi. Je veux une blague. 100 et tout. Ouais. Il n'arrête pas de dire et tout. Ah ouais. Tu vois. 100, tu vois. Tu vois. Et 100 bafouillage. Allez. Ok. Ça marche. Allez, je recommencerai au début à chaque fois. Et à partir de la deuxième, t'es éliminé. Attention, top, c'est parti. Donc, c'est une femme mûre, en fait, qui décide d'aller se faire un lifting. Elle fait la tournée des chirurgiens et elle choisit un médecin qui lui promet un bon lifting grâce à une technique vraiment révolutionnaire. Donc, le chirurgien lui explique qu'il va placer une vis derrière chacune des oreilles et à chaque fois qu'elle en aura besoin, bah, elle aura juste à tourner les vis pour tendre un peu la peau, quoi, tu vois. L'opération, elle réussit, la femme, elle est contente et de temps en temps, elle redonne un petit tour de vis pour être toujours bien liftée. 5 ans plus tard, elle voit qu'elle a des poches énormes sous les yeux et elle n'arrive pas à les enlever, même en tournant les vis. Donc elle retourne voir le docteur et tout pour des explications. Et le chirurgien il fait: madame, par contre, ce sont pas des poches que vous avez sous les yeux, ce sont vos seins qui remontent. Et si vous n'arrêtez pas de remonter les vis, ben vous aurez bientôt la barbe. T'es trop lu là, t'es pas dedans là. Non, ouais. Il est pas dedans là. Ah, ouais. Il est nul. Ah, il est bien pourtant. Non, il est nul. La barbe, c'est que ça remonte. Oui, bah, on a compris. Que vous aurez bientôt. Tu lis trop là. Ouais, mais. Ouais. En fait, c'est dès que tu l'enlèves les et tout, et tu vois, bah, il est concentré. Il est perdu. Ouais. Ouais. Ma mère, elle arrive pas à se mettre dedans. On les cherche ses habits. Ah non, t'aurais donné combien sur 20, Alain, alors qu'on m'accuse pas de. Franchement, c'était décevant. Combien moi je dirais 6 sur 20. Ah ouais. Ah non mais moi j'aurais franchement le problème c'est que j'aime du standard, je veux bien que tu prennes une radio nationale en otage. 40 secondes et vous êtes des milliers des millions et 1 million et quelques à écouter l'émission. Il faut mériter cette minute. Ouais, quoi. Mais j'ai fait les meilleurs Guillaume, ah ouais. Je te jure. Oh. Ah ouais, dans ce cas-là, prends ta retraite. Mais non, prends ta retraite. Je garde la foi. Je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va être toi seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Alors, venez nous raconter, est-ce que vous êtes déjà brûlés les mecs ou les coups d'électricité? Je vous prends à l'antenne maintenant, hein, les gars. Et on se fait de la radio direct là. Guillaume et votre message au 612. Vous me balancez un texto, vous commencez par Guillaume, le message. Guillaume et votre message, donc du coup, au 612. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous brûler? Pareil, d'avoir une histoire avec l'électricité, de vous prendre un énorme coup de jus, que ça soit au boulot ou ailleurs. Hein. Du courant. Je sors du taf, j'en ai ras le cul. Heureusement que vous êtes là. Salut Myriam. Salut. Au strip du Crozot, à l'internat de Morlaz dans le 64. Au gros Davy de Vivier. J'ai joué à Zelda aujourd'hui, j'ai joui tellement qu'il est bien. Isa Jésus, Bouboule Marabout, me manque, ce serait cool que vous recommenciez. Salut Mathis du 37. Salut. Alors, ce soir d'ailleurs, on arrête les pervers, on a plus le droit de les faire. C'est triste. Ouais. Mais du coup, il y a un nouveau jeu. C'est, alors, je garde une petite surprise. Je vous redirai tout à l'heure, mais c'est énorme. Voilà. On refera les forains ce soir. Les forains, on va faire croire qu'on est une fête foraine et qu'on appelle un hôtel pour venir s'installer dans les 10 minutes sur le parking avec tous nos trucs. Et on va faire croire qu'on s'est fait virer d'une autre fête foraine parce qu'on a fait le. Des soucis. Genre, on a branché les compteurs, machin. Là où il fallait pas. On va essayer de faire peur à des hôtels, comme on fait à chaque fois plein de trucs tous les soirs sur Énergie. On va faire ça ce soir. Je suis tombé sur une vieille parodie de Stromae. Quelle surprise de te voir dedans. Salut à toi. Là. Salut. Ah oui, j'avais fait un clip qui s'appelait Alors on bande, à la honte. Ah oui. Ah non, je sais, putain, la gueule que j'ai dedans en plus. J'y aime du standard, ouais. Brûlé au coup d'électricité. Ouais, il n'y a pas longtemps, avec un fer à lisser. J'ai acheté ça parce qu'il y a des potes à moi dans le sud qui m'ont dit, ouais, tu devrais essayer. Ah, ça y est, tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté. Ah. Mais je sais pas, ah, comment j'y arrive pas. Et en fait, justement, je l'ai fait. Ça se voit que tu arrives pas. J'ai arrêté, j'ai essayé de voir. Mais qu'est-ce que tu arrives pas? Il n'y a rien devant comme cheveux. J'ai pas assez de cheveux, c'est ça? Ah oui. Mais en fait, c'est un raccourci. T'as des mini trucs. Ouais. Et il y a même des mini lisseurs à cheveux que tu peux attraper de poche, que tu peux emmener en voyage pour les filles. Et tu peux faire des petits coups, bien sûr. T'as des lisseurs, t'as 5 cm de cheveux. Non, largement. Bien sûr que si. Bah, en fait, j'ai laissé chauffer le fer à lisser longtemps. Et après, je me le suis mis sur les cheveux, je me suis brûlé les cheveux et le front parce que je m'y suis trop mal pris. Ah ouais. Ouais. C'est normal, mais ça, après, c'est l'apprentissage de la vie. J'ai un stagiaire, tu déjà fait mal avec une bite là. La question gênante. Tu t'es déjà brûlé au coup d'électricité? Ouais. Bah, je me suis brûlé cet été un barbecue en fait. Je me suis brûlé le palais avec une merguez. Je l'ai mangé trop vite et trop chaude. Et du coup, non, mais c'est rigolo peut-être, mais j'ai eu mal. Hein. J'ai douillé pendant 2 jours, je sentais le palais. Vous avez pas l'impression des escrocs de pas mériter votre place, des faux cocons? Ah, ben non, mais c'est une brûlure, la dernière brûlure. Mais bah, heureusement, c'est pas une grosse brûlure. Mais vraie brûlure. Avec une merguez. Bah oui, elle sortait du barbecue, de la planche. Jus, ouais. Ah ouais. Mais là, je parle vraiment avec une cloque, vous avez vraiment fini. Ah bah non, jamais pour l'instant. Une chute qui aurait pu entraîner. Ouais. Ouais. Un coup de soleil. En fait, la tête de Gestégère, c'est un chibre-fuse. Oh, Thomas qui est dans les semis de céréales qui a envoyé un message à l'instant. Salut. Salut à toi, Thomas. Salut. Gestégère ressemble à Boudet en période de gastro. Arrête. Isa Jésus, je vous écoute. Après chaque fin de service aussi, mon courage à tous les cuisiniers de France. Salut à toi. Salut. Gestégère pourrait travailler la NASA pour les aider avec ton fuselage. Non. Oh bah non, j'ai pas les capacités. Roms, ça va l'équipe, Johnny Calvici, je viens stagiaire, arrête de bégayer. Dédicace aux agriculteurs et à toute l'équipe, bonsoir. Eloi, et les messages passent, hein, les gars. Guillaume, et votre message là, j'attends vos réactions. On va appeler à l'antenne Yannick qui a pris un énorme coup de jus sur un chantier. Bah tiens, je fais le numéro direct, ça va sonner. Fred qui a pris 2500 volts, qui a failli mourir. Oula. On se raconte un peu les histoires de brûlure et de coup de jus aussi. Hein. Ouais. Deux choses différentes. Hein. Est-ce qu'on peut être brûlé avec l'électricité aussi, hein. Allô ?